dance, baby. Le son Dance Floor. Vous écoutez Fun Radio? Ben si, c'est là, c'est lundi, c'est le 29 août. Mais qui est donc cette personne? Maxime Poulaouec. Bonjour. Beaucoup Bruno. Beaucoup moins de poitrine que Justine Salmon. Premier constat. Mais d'autres premier atouts. Constat rapide. Hein. Après, on va venir sur des considérations journalistiques, mais en tout cas, moi qui arrive là tout de suite, je me branche sur funradio.fr, je me dis, ah, plus de seins. Mais il y a du talent. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On démarre par la météo de ce lundi 29 août. C'est la fin de la canicule. Le ciel alternera entre gros passages de nuages et quelques éclaircies. Il faut rajouter un peu de pluie entre le nord, l'Île-de-France et les Landes. Comptez 14 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 22 à Reims, 24 à Paris et Bordeaux, 27 à Perpignan, jusqu'à 32 à Nîmes. Objectif, forcer Lactalis à remonter ses prix d'achat. Les syndicats agricoles annoncent une grosse mobilisation à partir d'aujourd'hui dans toute la France. Ils prévoient des manifestations autour des sites de production du géant laitier dès la fin de la journée. Certains éleveurs ont décidé d'aller rencontrer les consommateurs dans les magasins. La canicule est donc derrière nous. Météo France a relevé des records de chaleur ces 5 derniers jours, notamment dans l'ouest à Nantes. 36,3, ce n'était plus arrivé depuis 55 ans. Et à l'est, 36,9 à Strasbourg, un record qui datait de 1944. Mais la comparaison reste difficile avec la canicule de 2003. Il a vu Mars, ou presque. Un jeune Français de 26 ans a vécu enfermé dans un petit dôme à Hawaï pendant un an. Il participait à une mission de simulation de la vie sur la planète rouge financée par la NASA. C'était la plus longue expérience menée par l'agence spatiale américaine qui s'est donc achevée hier. Le foot, Paris tombe du rocher. Le PSG s'est incliné hier soir lors du dernier match de la troisième journée de Ligue 1. Une défaite 3 buts à 1 contre Monaco. Ce résultat permet au Monégasque d'être en tête du classement avec Guingamp et Nice. Deux autres matchs hier, 0-0 entre Saint-Etienne et Toulouse, 1-0 pour Bordeaux contre Nantes. C'est parti pour Bruno dans la radio. Attention, en écoutant le programme qui va suivre, vous allez vivre une expérience générationnelle. Par la seule magie des ondes radio, en l'espace de quelques secondes, vous allez être connecté, lié, avec des millions de personnes près de vous. En France, en Belgique et dans le monde entier, vous allez découvrir une famille. Vous allez faire partie de cette famille. Une famille de cœur, une famille de couleurs, sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. Fun Radio. Lundi, les amis, c'est le 29 août. Ça me manquait. J'avais envie, ça fait deux mois, je crois, que j'ai envie de le faire. Le matin, je me réveillais, je faisais bonjour, mon chien m'a regardé. Qu'est-ce que tu as ? Tout seul, dans la rue, je regardais les gens, bonjour. Moi, j'attendais un retour. J'attendais un bonjour, bonjour. Bah, évidemment. Un 6 heures de bonjour. Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Limite, je pourrais en refaire un autre. Vas-y. Non, pas trop, non, faut. On va le garder pour 7h du matin. Bonjour tout le monde. Lundi, c'est le 29 août. Ravi de vous retrouver. Vous écoutez Fun Radio. Je m'appelle Bruno Guillon et nous sommes repartis pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison de Bruno dans la radio. Une nouvelle saison où nous allons vous accompagner tous les jours entre 6h et 9h15. C'est l'épisode 6. Aha. Oui, parce que c'est un petit peu comme dans Star Wars. À la différence de Star Wars, on est vraiment dans la suite des saisons de Fun Radio. C'est-à-dire que pour ceux qui nous rejoignent ce matin, ça n'est pas moi, le fils du Bruno dans la radio que vous écoutiez avant, qui serait devenu méchant, et moi, gentil, qui vais essayer de le convaincre du revenir du côté obscur du réveil. D'accord. Non, là, on est dans la suite normale. C'est pas dans la saison 6 que Elliot y part, par hasard. Non. Je suis toujours la vachée. Ah ouais, parce que quand je dis « pensez pour les nouveaux qui nous rejoignent », debout, la main sur le cœur. Ah, est-ce que ce serait pas nos amis les Belges? Non, je ne veux pas d'accent belge. Je te surprends parce que bon... Je veux que nous respections nos amis belges, puisque à partir d'aujourd'hui, nous émettons également sur Fun Belgique. Wow. Amis belges, toi qui nous écoutes, sois le bienvenu. Sois le bienvenu avec le son Dance Floor de Fun Radio. L'émission de ce matin va attaquer avec Bob Sinclair, Someone Who Needs Me dans quelques secondes. Un petit Tayo Cruz, vous en voulez un? Ah oui. Eh ben vous le dites, je vous mets Dynamite. Et un petit cachemire. Avant 6h30, même s'il fait très chaud, pas très grave. C'est la même cachemire. Ouais, on a compris. Il fallait attaquer la saison vraiment avec tout ce qu'on avait, quoi. Ouais. On avait tout donné dès le début. Christina est là. Ta coiffure est ridicule. Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Écoute, je les ai laissés vivre en paix tout l'été, puisqu'ils ont besoin de repos l'été, donc ils sont bouclés. Je voulais les lisser hier soir, tu vois, me faire jolie, et là, plus de lisseur. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais laissé mon lisseur à Ibiza. Voilà, donc j'ai pas utilisé mon lisseur depuis Ibiza, et voici le résultat. C'est original. Cette anecdote de cheveux m'a paru plus longue qu'une saison entière. Une vacance. Si, et quand c'est que ça va s'arrêter, l'histoire de lissage de cheveux et tout? Oui, car pour nos auditeurs belges qui nous rejoignent ce matin, qui ne connaissent pas forcément Vacher et Chauve. Bonjour Vacher. Ouais, bonjour, comment allez-vous? C'est la saison de toutes les saisons, Vacher. C'est la saison où je vais être papa, ça y est. Il y a le bébé, donc ma femme, je l'ai mise enceinte, quelqu'un l'a mise enceinte. C'est pas trop qui en janvier. Et donc là, il commence à avoir un ventre, mais vraiment gros. Et donc le bébé, il donne des vrais coups de poing à l'intérieur, quoi. C'est marrant. Ouais. Je mets la main dessus et paf, il met des coups de poing. Il est à peine sorti du ventre, enfin, il est encore dedans, qu'il veut déjà te casser la gueule. C'est quand même fou ce truc. Il est là ce matin. Est-ce que je dois mettre ce générique pour Elliot? Non, pas du tout. Non, je ne mets pas ce générique pour Elliot. Hein. Bon. Donc, est officiellement le patron de cette émission, puisque la personne qui anime en ce moment ce programme, qui s'appelle Bruno Guillon, que je connais bien puisque c'est moi, est parti en Charente-Maritime en vacances pendant une semaine, histoire de dire je vais quand même m'oxygéner un peu. Elliot, je veux juste que tu me donnes des destinations, des noms de pays. Allez, vas-y. Hong Kong. Oui. Ok. Vietnam. Des noms de pays, on a dit. Ah ouais. Elliot en pleine forme. Voilà, et tout est dit. Tu sais quoi, on va s'arrêter là, c'est bien. Des noms de pays, Hong Kong. Elliot revient en forme, en tout cas. Bon, bah voilà. Mais j'ai pas révisé ma géographie, j'étais en vacances, alors j'ai rien foutu. C'est plus des vacances, non? Tu sais quoi, ça s'entend. Ouais, j'ai la honte, là, déjà. Bon, lançons tout de suite cette émission avec le standard de Fun Radio. Je vous rappelle le numéro de téléphone. C'est le 3228. Par les SMS, le 74-900, ça marche. Et si vous êtes en Belgique, ce sera plus compliqué pour vous. On est en train de gérer un numéro plus simple, mais sinon, pour les Belges, il faut appeler le 02 85 10 000. Mais non. Tu peux dire 02 85 10 000. C'est plus simple. Ah ouais. Ah. Les Belges, ils font pas comme nous, hein. Sur le numéro de téléphone 085 10 000, amis belges. Et tous les jours, nous prendrons un auditeur du jour grâce à l'équipe du Standard. Il y a Luzman qui est revenu. Oui. Il y a Amélie. Oui. Toute l'équipe est là, fond, fait la réalisation. Oui. Il y a Nicolas et Meryl Webb. Il y a la team du JPI. Hello. On est tous là, ça fait plaisir. Et donc, auditeur du jour, on a qui? Nous avons Céline de Lille. Applaudissements pour Céline de Lille. Salut la famille. Vous nous avez trop manqué. Mais je sais, c'est pour ça qu'on a ton jingle. Nous avons Céline de Lille. C'est Céline de Lille. Avec moi tout le monde. Nous avons Céline de Lille. C'est Céline de Lille. Céline, elle vient vraiment pardon, excuse-moi. Je suis un peu emballé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aline, Céline? Je suis aide-soignante. D'accord. T'as repris le boulot déjà ou t'es pas partie en vacances? Oh oui, ça fait déjà une semaine, ouais. Ça fait bizarre hein, de reprendre le boulot. Ouais, surtout sans vous écouter le matin au réveil. Et je voudrais faire un bisou à Jay, à Marie, à l'équipe du Summertime qui, franchement, a bien assuré cet été. Ouais. Et puis, Elliot, il a quelque chose à dire sur Marie, non? Tu la trouves comment? Arrête! Non, mais ce que tu disais hors antenne. Pourquoi tu balances, vacher? Tu la trouves jolie, non? Mais ouais, c'est vrai qu'elle est commerçante. Vu la façon dont il est en train de rougir, non, à mon avis, c'est pas joli le mot qu'il a dit. Non, pas j'avais, du tout. J'avais promis que j'en parlerais pas à l'antenne. Oups. Bon, Céline. Oui. Alors, cette année, oui, nous prenons un auditeur pour attaquer l'émission, car cette émission, plus que jamais, est la vôtre. Mais en plus, Céline, on a une petite particularité qu'on a décidé de lancer à partir d'aujourd'hui. C'est que l'auditeur du jour a une faveur. Il peut poser une question à n'importe quelle personne de l'équipe et la personne de l'équipe qui reçoit cette question est obligée de répondre. Ah, il n'y a pas de joker ou de trucs comme ça. Il hein. n'y a pas de joker, il n'y a pas de truc dans ce délire-là. Donc, du coup, tu lances la saison en posant une question et la question que je te pose, c'est à qui veux-tu poser cette question? C'est beaucoup de questions. À toi, Bruno. Ah. Ok, je savais que ça allait être la merde. Quelle est ta question? Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais parti en vacances et je voulais savoir si tu avais fait pipi dans l'eau. Ah bon? Dans l'eau? C'est quoi vos questions à la con? Tu veux dire dans la mer? Bah oui. Dans la mer, oui. Oui, t'as fait pipi dans la mer? Oh oui. Mais oui, mais ça tu peux, c'est pas grave, c'est hyper grand donc. C'est grave, t'as plein de gens qui sont à côté de toi qui sentent un courant d'air chaud et qui se demandent d'où ça vient. À un moment donné. Et c'est juste du pipi quoi. Non, parce que ça part, je crois que ça part au large. Je pense que quand tu fais pipi dans la mer, quand tu fais en France. Ouais, je pense que c'est aux États-Unis qu'ils ont un courant d'air chaud. C'est ça, ouais, c'est pour ça. Ça mais Céline, pourquoi ça t'arrive jamais, toi? Bah, si, mais c'était une question. Je trouvais que c'était en raccord avec vous parce que vous m'avez manqué pendant les vacances et. Voilà. Eh ben, je suis content de savoir que quand tu penses à nous, tu penses pipi. Céline, tiens, je suis en train de faire pipi, je vais penser à Bruno dans la radio. Non, pas que. Céline, tu as ta réponse. Ah, je suis ravie, merci beaucoup. Je te fais des bisous, passe une belle journée. Bonne saison à toute l'équipe, gros bisous. Merci. Eh, dis donc, l'émission a même pas commencé depuis 10 minutes, on parle déjà de pipi. Ça s'allonge bien cette saison. On peut parler de paix dans 5 minutes. Non, parce que j'ai plein de trucs à vous raconter dans l'avion et tout. Non, mais c'est vrai. Mais à la piscine, non, par contre. Non, quoi? À la piscine, je m'étais fait gauler. Bon, après, il faut dire que je le faisais du plongeoir, donc forcément. Peut-être que c'était le truc un peu chelou. Les amis, vous pouvez jouer avec nous. Maintenant, on va jouer au toutou gagné, toutou perdu. Il est de retour. Je sais que vous adorez ce jeu, ça tombe bien, nous aussi. On a un overboard à vous offrir, mais également un PC. Vous appelez Fun Radio. On attaque l'émission avec Bob Sinclair. C'est lundi. Bonne rentrée! Bob Sinclair, il est parti dans un délire. Je l'ai vu mixer cet été, maintenant il mixe avec que des nanas en petite tenue. Oui, j'ai vu. Genre barésie, etc. Ouais. Autour c'est de lui. C'est hallucinant, quoi. On aurait dû être ouais, DJ, il a un regard qui ouais. en dit long. On sent, on sent qu'après son set, il va pas boire le café avec les nanas. C'est ça. Non, ou non, pas non, que, non. en tout cas. À mon avis, je pense. Hein. Vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, c'est lundi, c'est le 29 août, c'est notre reprise ce matin, on est ravis d'être avec vous et ça va être comme ça tous les matins cette année, à chaque jour que Dieu va faire, nous serons là dès le réveil, quel que soit votre Dieu, voilà je tiens à vous le dire parce que alors nous on voilà. est multi-dieux le matin, oui. tous les dieux nous écoutent de toute façon avant de se réveiller, avant de décider de ce qu'on va faire de la planète, ils jettent un œil sur Fun Radio, ils disent ok, aujourd'hui c'est bien, cette journée elle va être canon. Voilà. Très bien. Tayo Cruz arrive dans quelques secondes. Et je dois vous avouer que je suis contente de reprendre, parce que alors, je sais pas vous, mais moi, tous les jours cet été, tous les jours de toutes les vacances, j'ai bu l'apéro. Alors, ah, c'est ouais. pas bien, j'ai bu avec modération, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait l'apéro. Ah, jamais. Pareil. Ça m'est jamais arrivé de tout l'été. Donc là, ça va être mon premier jour aujourd'hui sans apéro. Ouais. Mais en plus, t'es devenu, enfin, toi qui bois pas beaucoup, on a fait une soirée il y a pas longtemps, je trouve qu'il y a les forces rosées. Non, parce que je pense que tu vois, l'alcool appelle l'alcool. T'aurais pu devenir alcoolique si les vacances avaient duré, quoi. Mais ça c'est, dit, vrai. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne fait systématiquement qu'en vacances. Par exemple, là, si je postais une photo sur les réseaux sociaux, tu vois, sur mon Snap, par exemple, de mes pieds, ouais. ça vous choquerait. Ouais. Oui. Bah, photo de tes pieds déjà. Bah déjà, ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, de toute façon, ouais, si je prends, quel que soit l'endroit où je prends une photo de mes pieds, ça choquerait. Non, mais je veux dire, c'est un truc que tu fais que l'été, prendre tes pieds en photo sur le bord de la piscine, par c'est exemple. C'est vrai. Les photos du pied au-dessus du bureau, ça, on s'en fiche un peu, quoi. Ouais, c'est ouais. vrai. Il y a des trucs qu'on fait que l'été. T'identifier aussi quand t'es dans un endroit sympa, sur une plage sympa ou quoi, tu t'identifies sur Facebook pour que les gens le sachent. Alors que le lundi, quand t'arrives à la Sogecap pour faire ton dossier, bah, tu t'identifies pas, quoi. Non, mais par exemple, faire des barbecues, tu fais des barbecues que l'été. Bah, bien ouais, c'est sûr. Ouais. C'est comme porter des chaussures. Moi, j'ai pas porté une paire de baskets pendant 2 mois. Porter des chaussures? Oui, j'ai porté que des chaussures ouvertes ou des tongs, quoi, tu vois. Ah, ouais. Oui, j'ai compris. Oui, Elliot. Il y a que l'été aussi où en vacances tu restes en caleçon toute la journée sans te doucher au moins pendant genre une semaine, quoi. Non, ça, il y a non, que toi non, qui fais ça. Il y a que ça, toi, ça. Moi, j'adore ça. C'est quoi? Et tiens, et lançons le premier sujet, voilà, de cette rentrée. Ça nous permet de parler un petit peu de vacances. 32-28, c'est quoi le truc que on fait que l'été? Et pour nos amis belges, vous appelez au 02 85 10 000. Je veux du belge ce matin. Attention, je veux du belge, je veux du Charleroi, je veux de la chaleur du nord de la Belgique. Surtout que nous, on s'intéresse beaucoup à votre culture, cher ami belge, depuis des années, Kenavo, comme on dit chez vous. une frite, une foie. Voilà. Et puis, on est fan de tous les monuments qu'on fait, le prestige de la Belgique, la Grande Muraille de Belgique. Bien voilà, sûr. Moi, je rêve d'y aller, donc n'hésitez pas. On adore vos huîtres aussi. Hein, bah, les huîtres, ouais. Excellentes. Parce qu'on est calé sur les spécialités culinaires, et puis les groupes belges, enfin tu vois, les Oasis, ouais. Voilà. Donc vraiment, amis belges, n'hésitez pas, vous pouvez faire de la radio avec nous, 02 85 10 000. Nouveau générique pour le toto gagné, toto perdu. Oui. Bon, un peu bien. De tuning. J'aime bien le tuning. Paul est avec nous, il a 29 ans, il habite à Clermont. Applaudissements pour Paul. Ouais. Salut Bruno, salut la famille. Salut Paul. Comment ça fait plaisir de vous retrouver. Eh ben, tu sais quoi, ça fait plaisir aussi. Polo, tu fais quoi dans la vie? Je suis boulanger. T'es boulanger, d'accord. C'est quoi le nom de ta boulangerie? C'est le boulot authentique, c'est une petite boutique. C'est pas mal, pas trop encore, mais voilà. Oula, encore. Ça veut dire que ça sous-entend que d'ici quelques années, on sait jamais. Paul, voilà. Ce matin, tu vas jouer face à qui ça donc? Non, il est tout seul, Paul. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. Et les amis, rappelez-moi les règles. Hein. Ouais. Faut rappeler les règles parce que moi je suis parti pendant 2 mois, d'accord? Vous êtes, c'est quoi ton prénom à toi? Moi, c'est Christina. Bon, Sabrina. Alors, tu me rappelles les trucs parce que moi, tu sais, moi, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Paul est tout seul. Paul a déjà tout gagné. Oui. Il a gagné 4 cadeaux. Tu te attends, rappelles? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Bruno, tu vas lui poser des questions. Il est 6h18. Je suis en train de dormir. Oui. Je me réveille. Je vois de la lumière. Il y a plein de gens qui sont debout, qui attendent que je dise des choses. Mais faut prendre vos cachets, monsieur. Faut pas les oublier. Non, mais c'est... Moi, je dis, parce que Christian, c'est pas dire, c'est un gars qui a des trucs et toi, tu as les questions. Si c'est pas ça, il perd. Wow. Mais un seul. Et après, ça fait 4 au fond, à la fin. En arrivant sur Fun Radio, Paul, tu viens de gagner un hoverboard. Tu viens de gagner ton PC portable. Tu viens de gagner une enceinte JBL Pulse 2 et l'album de DJ Snake. Ces 4 cadeaux sont à toi. D'accord? D'accord. Mais okay. Pour les garder, il va falloir répondre correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Nous sommes d'accord ? Oui, d'accord. Mais c'est ce que j'avais dit, en fait. Hein, je vois pas pourquoi tu répètes. Les amis, je suis super content, ça y est, c'est revenu. C'est bravo. Comme le vélo. Bravo. C'est comme le vélo, c'est pas parti. Est-ce que tu es prêt, Paul ? Je suis prêt, au taquet. Première question. Une étude qui vient de paraître révèle que pour être heureux, un couple doit faire l'amour 3 fois par semaine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? 3 fois par semaine ? Ouais, ça doit rester dans la moyenne, je dirais vrai. Non, tu dis pas c'est la moyenne, tu dis c'est ta moyenne. Ouais. Voilà. Et puis tu fermes ta gueule. Parce qu'il y en a peut-être qui sont pas dans ce cas-là. Pas nous, mais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et ça les énerve. Voilà. Pas nous, évidemment, parce qu'on en a ça des rapports, on en a plein. Tu vas pas nous envoyer ton bonheur à la gueule, s'il te plaît. Nous, on fait plein de fois aussi. Hein. On sait très bien ce que c'est comme sensation. Ça nous manque tellement. Et oui, c'est vrai. Selon cette étude, les couples qui font l'amour 3 fois par semaine sont plus heureux que ceux qui le font 1 fois, voire moins. Voire pas. Tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Il existe un championnat du monde de cache-cache. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Championnat du monde de cache-cache. Tellement bizarre que si ça doit être en Amérique, je dirais vrai. Mais alors, quand est-ce que tu gagnes un championnat du monde de cache-cache? Quand on ne te retrouve pas. Ouais. Tout en camon. Ah, ça fait 3200 ans qu'il est caché, on ne le retrouve pas. Les Tribal King aussi, je crois, ils ont gagné. C'est vrai. Mano aussi. La Rousseau, tout ça. Il y a plein de champions ex aequo, je crois. Et Willy Denze. Pareil. Ça se trouve, ils sont tous cachés au même endroit. Il se tiendra les 3 et 4 septembre prochains dans le village de Consono, dans les Alpes italiennes. Consono, c'est juste à côté de Voyello. D'accord. Non. Oh là là. Si. D'accord. Non mais ça va, c'est la fin de l'année, il a le droit. C'est les dernières blagues, c'est bon. Ouais, tu verras, après cet été, quand on reprendra en septembre, on sera drôle. Vraiment. C'est bon. Tu gardes tous tes cadeaux, voici la troisième question. Le skateboard sera un sport olympique aux prochains Jeux Olympiques, les Jeux, hein, pas les Jeux. Les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, bonne question. Skateboard, je dirais faux. Eh non, c'est vrai. Autre sport olympique prévu en 2020, l'escalade, le surf, le baseball, le karaté. Ça devient n'importe quoi. Alors, on va rajouter le Scrabble, les petits chevaux. Et la chasse aux Pokémon. Mais déjà, c'était chiant. Vous avez regardé, vous, un peu les JO là, genre C'était bien, moi. Ouais. J'aime bien. Mais non, mais le judo, quoi. Les gars, ils se battent pendant 1000 ans, il y a 0-0. Et il se passe rien. Et d'un coup, il y a un gars qui se fait bloquer, il y a 100 à 0. Alors qu'il y avait 0-0. On va isoler ce son, puisqu'il y a Teddy Riner qui doit passer dans l'émission bientôt. Ah oui, ça va lui faire plaisir. Écouter. Ah non, mais par contre, les judokas français, ils ont du swag. Tu perds l'overboard, on joue pour le PC, l'enceinte et l'album de DJ Snake. Au Belize, en Amérique centrale, c'est la dernière question. Des ouvriers ont détruit un temple maya vieux de 2300 ans. Afin de récupérer les débris pour remblayer une route. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Imagine, c'est un peu comme si en France, par exemple, on démontait la tour Eiffel pour renforcer un pont. Et t'expliques ça à ton patron, qu'est-ce que vous avez fait avec la tour Eiffel? Bah mec, on avait un problème, il nous manquait de la tôle, j'ai vu ce truc. J'ai dit, c'est quoi cet échafaudage? J'ai démonté, patron, excuse-moi. C'est vrai ou c'est faux? En Amérique, ils sont bien un peu malades quand même. Elle est vraie. Et c'est une bonne réponse. Yes. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes ton PC portable, ton enceinte portable et l'album de DJ Snake. Super, nickel. Merci Bruno, merci la famille. Bravo. Paul. Merci à vous. Paul, tu seras puni puisque en 2016, on ne dit plus nickel et ta punition sera la suivante. Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Je vais faire caca chez Paul. Voilà. Et puis c'est tout. Paul, on t'embrasse. Merci, bisous la famille, à bientôt. Bisous. C'est Taïo Cruz sur Fun, tout de suite. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. Saying, ayo, gotta let my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the phone came here to do, do, do, do. Yep, yep, 'cause it goes on and on and on. Plaisir ce petit Ayo Cruz. C'était Dynamite sur Fun Radio, 6h26. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Bonjour la famille, bon réveil, bienvenue, c'est Fun Radio, c'est le retour de Bruno dans la radio. Et alors j'ai un autre retour à vous annoncer les amis. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il est de retour. Il est de retour. J'ai chaud, j'suis un chien. Nicolas le pervers. Alors non mais t'es pas trop. Nicolas le pervers a repris le nouveau soprano. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu. Voilà, je suis en feu est devenu. Je suis un chien. Voilà, et ce sera. Allez, on va vous le passer avant 7h30. Nouveau Nicolas le pervers. Mais pour l'instant, replongeons-nous dans cette ambiance de vacances. Car oui, certains reprennent le travail ce matin. Ils reprennent le travail en écoutant Fun Radio et en fermant les yeux. Ils s'imaginent il y a quelques jours, quelques semaines, sur le bord de la plage. Enfin, fermez pas les yeux si vous conduisez quand même, c'est chiant. Et on disait, il y a des choses que l'on ne fait qu'en vacances. Voilà, Christina disait tout à l'heure, en vacances, bah, tous les jours, elle a pris apéro. Là, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tous les jours. Ouais, je peux comprendre. Tous les jours avec les petites olives, tu vois, parce que tu bois jamais un verre tout seul, bien tu grignotes aussi. Bien sûr, bien sûr. Et écoute, ça va, j'ai pas trop pris de poids, ça va. Ouais, on fera un bilan poids. T'as pris du poids, hein, on en parlait tout à l'heure, mais c'est juste qu'on n'osait pas en parler, quoi. Il y a Quentin, il est à Maubeuge dans le 59. Bonjour Quentin. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Le département du Nord, bonjour le Nord, on se rapproche de la Belgique. J'aurai des Belges ce matin, je veux du Belge, bien vous le dire. Quentin, le truc que tu fais qu'en vacances, toi, c'est quoi? C'est prendre un bon petit déjeuner tous les matins. Ah, tu le fais pas quand tu bosses? Tu prends pas le temps? Non. Je prends pas le temps. Je me lève vraiment à la dernière minute et je pars directement. Je prends pas le temps. Ouais, on est tous dans le même délire. Le matin, moi, c'est vrai. Moi, j'ai de la chance. On a un métier où je peux prendre mon petit déjeuner, moi, pendant que je suis en train de travailler. Mais c'est vrai qu'il y a des boulots compliqués. T'es chirurgien. Va poser ta tasse dans une plaie ouverte. Docteur, vous avez fait tomber votre Chris Rolls. Oui, bon, c'est bon. Moi, reboucher ça, Thérèse, on n'en parle plus. Vous n'avez pas eu des périodes dans votre vie, genre quand vous étiez plus jeune, vous leviez le matin, il n'y avait rien à manger, du coup, vous mangez des restes du plat du soir? Bien sûr. Un bout de pizza ou de quiche. Moi, j'ai fait ça, ouais. Ah. Ouais. Pourquoi tu dis au passé, tu fais ça, Non, mais j'ai fait ça cet été, j'ai commandé Domino's Pizza. Et genre, il m'en restait dans le frigo, et le matin, genre, je savais pas quoi manger, mais j'avais un peu faim et j'ai mangé. Curieusement, c'est pas dégueu. Quand tu le vois, tu dis, oh non. Et en fait, tu le manges, tu fais, ah non, c'est bien, c'est bon la pizza froide. Le secret, il suffit de tremper. Genre, vous prenez un petit récipient, vous faites une vinaigrette, et vous trempez la pizza dedans, et comme ça, ça la ramollit. Non, et c'est top. Non, je crois pas. Ah, ça me dégoûte. Ah, Bon. Petit vomito du réveil. Quentin, je t'embrasse. Je te remercie de m'avoir appelé. Adrien est à Malakoff. On est dans le 92, la région parisienne, les Hauts-de-Seine. Bonjour Adrien. Salut la famille. Salut. Coucou. Mon pote. Salut. Adrien, dis-moi, est-ce que tu ne fais que l'été pendant les vacances? Moi, je ne fais que des nuits blanches. Ah bon, pourquoi? Bah, je pense que c'est le meilleur moment où tu peux être avec tes potes, tranquille, à faire des bonnes soirées, et si t'as pas d'heure pour te coucher, parce que bah, justement, t'as pas de, de couvre-feu ou quoi. Mais tu fais quoi pendant tes nuits blanches? Bah, je fais des soirées avec des potes, on fait de la muscu, un sauna à 4h du mat. Je croyais qu'il allait parler de aller en boîte, c'est un truc classique. On fait de la muscu. Un sauna à 4h du mat. Adrien, tu aimes les garçons? Ah non, du tout. Quand on fait des saunas la nuit avec des potes, il y a quand même des chances à la finalité, Adrien, qu'on aime bien avoir de temps en temps un zizi dans ses fesses. Hein. En tout cas, ça commence par la muscu, ah ouais, puis au bout d'un moment, c'est, oh, dis donc, bah, c'est rigolo. Mais... voilà. Mais après, et attention, Adrien, je ne te juge pas, mais je préfère te prévenir. Je te fais des bisous, mon pote. Extraordinaire, c'est j'adore. Eh bien, ça, c'est quoi? Et je crois que ça vient de ton pays, Elliot. Ah, mais merci, Vacher. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet accent. Ah, là, ce que j'aime bien, c'est que Bruno, il me regarde avec un air de ça m'avait pas manqué. Mais je suis pas sûr, il a dit Konnichiwa dans la chanson. Konnichiwa. Ah, attention, alors t'es pas la même dose. Oui, il s'appelle Kent Jones. Attendez, parce que c'est peut-être un antillais chinois. Et essayez de faire cet accent. Ah, oui, c'est sûr. Bienvenue. On va zouker. Il s'appelle Kent Jones, peut-être. Que c'est un des fils de Diana Jones qu'il a eu quand il est parti en Asie. Non, tu ne peux pas. Eh ben non, parce que c'est pas possible, il n'y a que non, pipa. Bon, ben ça arrive là sur Fun Radio. Et puis le chiffre du jour, c'est un de vos rendez-vous préférés, alors on l'a gardé pour cette nouvelle saison. Et dans le chiffre du jour, on apprend que quelque chose de désagréable est arrivé à 18% d'entre nous cet été. D'après vous, c'est quoi? Ben j'attends vos propositions au 32-28 ou si vous êtes en Belgique, 02 85 10 000. On revient après les news. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Fun. 6h31. Je tiens à m'excuser auprès de Maxime Poulaouek. On est un petit peu en retard. C'est pas grave. Maxime, ça risque de nous arriver souvent. Régulièrement. Voilà. D'accord, je prends note. On fait connaissance un peu ce matin, donc voilà. Je préfère te le dire. Allez, les infos. Maxime, bonjour. Ah, bonjour à tous. C'est la fin de la canicule. La semaine sera belle et estivale. Exception pour ce lundi 29 août où on aura des nuages sur les deux tiers du pays, quelques éclaircies, mais aussi des averses pour les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Nord-Aquitaine. Il fera beau en revanche sur la Bretagne et la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 17 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à 21 en Manche, 22 à 26 plus généralement et jusqu'à 32 à Nîmes. Les agriculteurs veulent faire plier Lactalis. Des opérations de blocage sont prévues aujourd'hui sur fond de crise du lait dans toute la France. L'objectif est clair, obtenir une hausse des prix d'achat. Les éleveurs iront également à la rencontre des consommateurs dans les magasins. Meeting de rentrée pour le gouvernement. Manuel Valls et plusieurs ministres se réuniront ce soir à Colomiers dans la banlieue de Toulouse. Cette rencontre sur le thème de la République fait désormais figure de rassemblement pour la majorité. Elle se déroulera sous la pression de syndicats et sur fond de dissensions ouvertes au sein du gouvernement au sujet du burkini. Chaud, voire trop chaud. Après 5 jours de canicule, le thermomètre redescend. Météo France a relevé une vingtaine de records au quotidien. 36,3 à Nantes, du jamais vu en 55 ans. 36,9 pour Strasbourg, une première depuis 1944. Il a fait jusqu'à 36,6 à Paris. Une chaleur étouffante à tel point que les Parisiens ont piqué une tête dans le bassin de la Villette. Une baignade interdite, mais exceptionnellement tolérée. Le football, Paris a chuté dès la troisième journée de Ligue 1. Le PSG a été battu hier par Monaco, 3 buts à 1. Le club de la Principauté prend la tête du championnat avec Nice et Guingamp. Hier, il y avait deux autres matchs. Saint-Etienne contre Toulouse, 0-0. Et Bordeaux face à Nantes, 1 but à 0. Il est 6h33. Vous êtes sur Fun. C'est Bruno dans la radio. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais, Bruno dans la radio. 6h-9h. On Fun Radio. Vous écoutez la première radio Dance Floor de France, bienvenue, c'est Fun Radio, c'est Kent Jones qui arrive. Bonne bédouce, konnichiwa. Petite serviette, lavez les mains. On va faire du karaté. Oh là là. Des indolis, ça continue, quand tu viens manger, t'es moi. Mets ton kimono. Moi, j'adore ça, Kissan. Merci. Voilà, bon, bah lui, il est rentré, Ken Jones. Moi, j'ai une pensée parce qu'on l'a dit depuis 6h ce matin, il y a nos amis belges qui peuvent nous écouter. Oui. Ça, c'est nouveau. Oui. Alors, ça et donc, ils nous connaissent pas très bien en Belgique. On me fait signe que ça, ils sont tous repartis. Et donc, les Chinois de Belgique, voilà, bonjour et voilà. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Oh là. Voilà. Qui se lance dans un accent chinois et belge? Allez, fit une fois. Ah, bonjour. Pardon, tu kiffes. Il y aura Cigala aussi avant 7h du matin. Et j'espère qu'on aura le temps de passer le nouveau Major Lazer avec Justin Bieber. Parce que je l'aime bien. Oui, ça n'intéresse que moi, mais je vous le dis. Cold Water. Ça va arriver sur Fun Radio. On aura Claire au téléphone là dans moins d'un quart d'heure. Claire, elle a eu une loose de vacances. Enfin, elle en a eu plusieurs. Elle a eu ce qu'on pourrait appeler les vacances de la loose. On va l'avoir là en direct au téléphone dans moins de 10 minutes. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Nouveau générique pour le chiffre du jour. Ouais, il est totalement lounge. Écoute, il est... Ah ouais? Il est un peu ambiance spliff et fumette. Ouais, cool. C'est-à-dire que le chiffre du jour. Ouais. Tranquille. Oh, putain, man, voilà. Il tape. Sans moi. Le chiffre du jour. Est-ce que quelqu'un a des Mars glacés? Je vais en manger 16. Je suis en train de faire une crise d'hypo, je crois. Bon, alors le chiffre du jour, c'est le chiffre qu'on vous balance tous les matins. Puis quand vous arrivez au boulot, vous dites, dis donc, t'as écouté Fun Radio ce matin? Alors le collègue du boulot vous dit, bah forcément, comme tout le monde. Bien sûr. Et le chiffre du jour, il est ouf. Chiffre du jour de ce matin, c'est 18. Oui, ce matin, on apprend que quelque chose de désagréable est arrivé à 18% d'entre nous cet été. D'après vous, c'est quoi? Guenièvre appelle de Morlaix. Bonjour Guenièvre. Salut Bruno, salut la famille. Bonjour. Et bonjour à toute la famille de Guenièvre. Voilà. Le roi Arthur, mais également du Guesclin, le chevalier Bayard, et à tous ces gens qui partent bosser dans des châteaux fers où ils sont soit palefreniers, soit cracheurs de feu, parce qu'en 2016, ça n'est pas facile. Et troubadour. Bien sûr, c'est le troubadour, c'est le troubadour que l'on embrasse également. Guenièvre, t'habites à Morlaix, ma chérie. C'est ça. Bonjour ce matin. À nos amis bretons, bonjour au Finistère. Guenièvre, 18% des gens ont eu un truc désagréable cet été. C'est quoi d'après toi? Ben, moi, je dirais une panne pendant la canicule de voiture. Ah, je crois que c'est arrivé à Luzman, la panne. Ah oui, ouais, mais c'était pas la voiture, c'est gênant. Non, c'est quoi ton délire Luzman de panne que t'as eu? Bah, au bout de 100 km, je suis tombé en panne. Au lieu de mettre 4 heures pour rentrer, j'ai mis 10. Parfait. Mon Dieu. Oui, merci. T'allais où? Alors, en fait, je rentrais de vacances. C'est-à-dire, t'étais où? J'étais en Vendée, ouais. À Barbâtre. Très bien. Et un peu après Nantes, ouais. C'est tombé en panne. La boulette, quoi. La voiture. Okay. Et tu penses que tu vas écrire un film sur cette histoire? Elle est hyper intéressante. Ce serait con de laisser passer l'idée. Il y a des gens qui écoutent. Est-ce qu'en plus, t'as un point kilométrique à nous donner pour voir pour l'anecdote? C'était sur la 11. Guenièvre, c'est pas la réponse que j'attendais. Mais on va quand même te faire un cadeau. On a quoi comme cadeau pour les auditeurs à qui j'ai envie d'offrir des cadeaux? On a des agendas Fun Radio, si ça vous dit. Des agendas Fun Radio? Ouais. Et ça cartonne. Vous êtes nombreux à les vouloir. Alors, écoute, allons-y. Ton agenda Fun Radio Guenièvre, je te fais des bisous. Cédric est à Blois. Bonjour Cédric de Blois. Salut la famille. Coucou. C'est arrivé à 18% des gens cet été. C'est un truc un peu désagréable. D'après toi, c'est quoi? Bah, je pense qu'ils se sont pris un râteau. Ah ouais. On sent le vécu. Ouais. un petit peu, j'avoue. Ah, t'en as eu plusieurs même après. Non, ça suffit. Hein. C'est déjà assez. Et c'était où? C'était quand? Raconte. Oh, c'était en boîte, hein, tout simplement. Une fille qui m'a bien rembarré, quoi, devant son mec. Ah bah c'est normal. La tristesse, quoi. Ah, tu veux dire que t'es allé vers une nana qui était déjà maquée? Exactement, mais bon, son mec était pas avec lui, je pouvais pas savoir, quoi, avec elle, je veux dire. C'est vrai qu'on devrait donner un signe de distinction maintenant. C'est vrai, parce que c'est pas évident, tu vois une fille qui danse sur la piste, elle arrête pas d'embrasser le gars qui est en face d'elle, mais tu dis c'est peut-être son frère. Moi, c'est pas évident, ça te met pas forcément la puce à l'oreille. Hein. Cédric, je t'embrasse, mon pote. Bisous. Ciao. Bonjour Mathieu à Moulins. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut. On est dans l'Allier. Bonjour l'Allier qui se réveille avec Fun Radio. Mathieu, 18% des gens ont eu un truc désagréable cet été, c'est quoi? Alors, à mon avis, c'est le matin dans le camping quand t'arrives. Bon, c'est pour aller aux toilettes. À mon avis, il n'y a plus de papier toilette. Ah ouais. Ah, ouais. Alors, ah, c'est vrai qu'au camping, normalement, t'as ton petit rouleau avec toi. On revient sur le pipi caca. Donc, hein, on était parti là. Mais c'est bien d'y revenir. Mais ça arrive pas qu'au camping, ça m'est arrivé à la maison aussi. Genre, oui, ça arrive partout. Et puis après, faut absolument trouver quelque chose. Alors, tu te lèves. Non, me dis pas que ton t-shirt, c'est pas un vrai motif qu'il y a dessus. Non, mais genre, j'avais plus de sopalin. Et heureusement, genre, j'ai trouvé un mouchoir. Genre, Ouais. T'es sûr que tu veux continuer, Mathieu? Un mouchoir chiffon. Ouais. Mathieu, on t'embrasse. Je te fais des bisous, mon pote. Quoi? Un peu de douceur. Ouais, ça fait du bien. Sortons du caca à l'espace de quelques secondes. C'est vrai qu'avant, c'était ma mère qui achetait le PQ. Ouais. Et moi, depuis que j'habite tout seul, j'oublie. Ça marche. Mais sinon, moi, j'avais une autre proposition, Bruno. C'est quoi, Kiki? C'est pas choper un coup de soleil, tout simplement? Choper un coup de soleil? Non, c'est pas ça. J'ai fait ça, j'ai chopé un coup de soleil sur le crâne. Alors je savais pas que ça existait pour les chauves. Et en fait, je me suis mis à peler. Et j'ai réussi à enlever toute la peau quasiment. Comme les serpents, tu vois, j'ai changé de peau. Ah, t'as mué? Mais ouais, j'aurais dû filmer. Regarde Bruno, moi j'ai pris sur le ventre, on dirait un lépreux. Genre, je perds toute ma peau. Et bien... Me frotter, ça fait de la neige. Alors, à part parler caca et te moquer des lépreux, qu'est-ce que t'as prévu? Tu vas parler des maladies mortelles dans un moment? Du handicap? Qu'est-ce que tu veux? Il est toujours aussi drôle, celui-là. 18% d'entre nous ont bu au moins une fois la tasse cet été à la mer ou à la piscine. Ah oui. Non, pas moi. T'as bu la tasse. On aura aussi ces commentaires. Voilà, cette année, nous revenons encore plus en forme. Est-ce qu'on peut isoler la phrase de Christina avec maintenant plaisir, ouais. Voilà, pour les gens qui nous rejoignent et notamment nos amis de Belgique, voilà, Bruno dans la radio, c'est aussi ça. Des réflexions non dénuées de sens, comme Christina vient de le faire. On va peut-être repartir sur l'anecdote de Luzman, du coup. Alors, t'es tombé en panne au bout de 100 km, c'est dingue. 100 km. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille. Le hashtag Bruno Fun Radio sur les réseaux sociaux. On est déjà en top tweet là sur Twitter. Voici Kent Jones. Kent Jones. Hola. Hola à toi aussi. Hola, non. Hola à toi, bonjour. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. Bonjour Claire à Tours. Ah, je l'ai coupé. Elle avait posé son téléphone, elle était en train de faire quelque chose. Ah. Claire ? Oui. Excuse-moi de te réveiller, chérie. Tu vas être en direct avec nous sur Fun Radio dans 3 minutes. Tu vas nous parler de tes vacances de la Louse, d'accord ? D'accord. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, garde le téléphone à côté de toi, parce que sinon on va être embêté. Allez, vous restez sur Fun Radio, c'est la rentrée, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New Music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. Salut, c'est DJ Snake. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. She's looking at you. Radio. Bonjour la famille, c'est lundi, c'est le 29 août. Vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous vous dites mais c'est dur ce matin. Eh bien non, ce n'est plus dur. Why don't you give me your Nous sommes de retour, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là. Il y a Christina, il y a Vaché, il y a Elliot. Et il y a Nicole Pervers. Oh putain, Nicole Pervers est de retour. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Nouvelle parodie de Nicole Pervers, ça va Nico? Oh, tu m'avais manqué mon Bruno, vous m'aviez manqué l'équipe. Il faut dire, voilà, pour les gens qui se posaient la question, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Nicole Pervers. Bah, il y a eu la prison, il y a eu la case prison. Ça fait deux ans, il y a eu la prison, et puis bon, j'ai quand même changé. J'ai attaqué une nouvelle vie. Oui, alors tu fais quoi? Disons qu'après le succès de Montre-moi tes nénés il y a quelques années, oui. Eh ben, je suis sorti avec une meuf. Ouais. Oh. Marion Cotillard. Disons qu'en fait, ouais, chez où elle habite, parce que je m'étais renseigné sur les réseaux sociaux et du coup j'attendais un match chez elle. Et pendant une semaine, du coup, quand elle sortait de chez elle, je marchais derrière elle. Et puis elle courait, je courais aussi en fait. Et après, quand j'étais en garde à vue, je pense qu'il y a un policier, il m'a dit tu lui manques. Donc je pense, ouais, on a une belle histoire quoi. D'accord, merci. Bon, j'ai plus le droit de m'approcher d'elle à moins de 14 km parce que je pense qu'elle a encore des sentiments et elle veut pas que ce soit ambigu entre nous quoi. D'accord, je comprends. Et elle m'a dit pose ton couteau, ben voilà quoi, j'ai Nicolas, compris qu'elle me larguait quoi. Calme-toi, Nicolas. Oui, puisque pour nos amis belges qui écoutent Fun Radio, voilà, Nicole Pervers a eu un succès en France avec cette reprise de Soprano. Montre-moi tes nénés ce soir, Nicolas. Voilà, et j'ai eu un SMS de Sopra hier soir qui m'a indiqué si vous avez fait encore comme conneries sur mes chansons. Bah tu vas découvrir ça avant 7h30 sur Fun Radio. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors Claire, il paraît que t'as eu ce que l'on appelle les vacances de la loose. Oui, des grosses vacances de la loose, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah disons que je suis partie en vacances avec mon chéri dans un endroit assez romantique à Rome. Ouais. Et bah l'hôtel il était parfait sur le site internet. Ouais. Mais en fait une fois arrivé là-bas, c'était pas du tout la chambre qui était prise en photo. Enfin l'hôtel il avait une piscine, la piscine quand on arrivait elle était verte. Il y avait des feuilles partout, enfin c'était vraiment mais crade de chez crade. Et c'est vrai que mon copain on a mangé au restaurant de l'hôtel. Il est tombé mais malade, mais comme un chien, comme pas possible. Donc vraiment les vacances de merde. Ouais, mais ça arrive. Hein. Ouais, sur les sites internet de réservation d'hôtels, c'est quand même assez souvent que t'as eu un truc qui est magnifique et quand t'arrives, c'est pas du tout ce que t'avais prévu. Après, ça dépend, tu vois. Moi, j'ai loué une maison, je suis passée par un site pour ça et franchement, ça avait l'air canon en photo. Et je suis arrivée, c'était encore mieux en vrai. Ah, tu vois, ça arrive dans les deux sens. Donc, aussi. Toi, quand il y a quelqu'un qui te raconte un malheur, t'es la fille qui derrière dit ah ben moi, ça va super bien. Moi, je suis tombée sur un plan. Ah, franchement, c'est énorme. C'est Christina. Voilà. Pour les gens qui arrivent ce matin, voilà, c'est Christina qui nous accompagne le matin. Christina, c'est également elle qui a ce genre de réponse à vos anecdotes. 18% d'entre nous ont bu au moins une fois la tasse cet été à la mer ou à la piscine. Ah oui. Non, pas moi. Voilà. Et ça, c'est Christina. Voilà, pour les gens qui ne la connaissent pas. T'as qu'à manger, Claire, pendant que je parle, hein. Vraiment. Non, je sais pas si ce bruit, ce que c'était, mais c'est très angoissant. Claire, à défaut d'avoir une bonne vacance, je te souhaite une belle rentrée, ma chérie. Merci, en tout cas, ça fait du bien de vous retrouver le matin. Et tu sais quoi, ça nous fait plaisir d'être là. On est là avec toute l'équipe, et notamment la team du JPI, Journal Porn Images, qui revient avec quelques petites nouveautés, le JPI. Oula. Ce sera dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Je vais payer de la facture, on repart sur les factures, là, tout à l'heure à 7h10. Et pour l'instant, montez le son, c'est Fun Radio et Sigala, Give Me Your Love. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love. I need it. Oh, yeah. You give me- treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Heures du matin, il y aura du Vacher Time. Le Vacher Time, c'est quoi? C'est vous. Si vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et tout à l'heure, à 7h, Vacher, c'est un Vacher Time qui sera un Siri Time pour attaquer. C'est vrai, effectivement. Je me suis dit cette année, j'ai eu trop d'ego l'année dernière, je me suis pété tout ça. Là, je mets un peu en avant les jeunes talents. D'accord. Et Siri, c'est le logiciel de l'iPhone, donc des fois, il fait des Vacher Time, lui aussi, il appelle des gens. Et le problème avec Siri, c'est qu'il comprend pas trop ce qu'on lui dit, comme le prouve ce petit extrait, Bruno. On écoute. Alors, je vais prendre votre adresse. Vous avez dit, alors je vais prendre votre taux de graisse. Non, l'adresse. Eh bien, je suis gros. Merci de me le rappeler. Mais je... Alors, désolé. C'est Siri qui appelle Yves Rocher, en fait. Hein voilà. Bon, l'intégralité, ce sera dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Mais pour l'instant, oh mon Dieu. Oh my God. What is it? Et ils sont de retour. Le JPI sur Fun Radio. Le JPI, c'est le journal pour une image. C'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui c'est la Saint-Sabine. Donc bonne fête à toutes les Sabines. Par contre, si vous vous appelez Géraldine, allez bien vous faire foutre. Rentrée aujourd'hui lundi 29 août pour des millions de Français, c'est le retour au travail et psychologiquement, reprendre alors que c'est encore le mois d'août, c'est un peu comme prendre une douche alors que t'as encore un billet, c'est un peu comme manger un sandwich alors qu'il est encore dans son emballage plastique, c'est un peu comme se mettre à danser alors que la musique n'a pas encore démarré, c'est un peu comme s'asseoir sur les toilettes alors que Ouais, c'est bon, on l'a compris. Télévision, vendredi, c'était la première émission de Secret Story, grosse nouveauté cette année puisque les chaudasses seront remplacées par des tepus. C'est la polémique de cet été, le burkini. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Il faut l'interdire, c'est scandaleux. Comment est-ce qu'on peut laisser porter ça en 2016 ? On devrait les mettre en prison. Ah, apparemment, vous êtes plutôt contre le burkini, Anthony. Ah non, le burkini, ça me dérange pas du tout. Je parlais du pantacourt, mais quelle horreur ! Ah, bah pour une fois, je suis assez d'accord avec vous, hein, la suite. Et pour finir, si vous aimez les sports de force et les enfants, pratiquez l'haltéropédophilie. Et okay. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. D'accord. D'accord, donc plus de filtre. Non. D'accord. Ah. Bon, bah, ça fait plaisir que vous soyez revenus. Vous savez quoi, ça m'avait manqué. C'était bon enfant jusque-là. Major Lazer, c'est le nouveau. C'est sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Le nouveau Major Lazer à l'instant sur Fun Radio. Vous restez ici, c'est lundi, c'est le 29 août à 7h10. Je vais payer la toute première facture de la matinée. Vous pouvez nous envoyer vos factures une nouvelle fois cette année ici à Fun Radio. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Niels Van Zandt. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Niels Van Zandt. Chucky. Toujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 32,28, service payant. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Bougez pas, Bruno. C'est une grosse nouvelle heure qui vous attend entre 7h et 8h puisque nous aurons la nouvelle parodie de Nicole Pervers, la parodie du dernier Soprano. Et puis la chanson du jour, on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait. Ce sera tout à l'heure à 7h30. Fun Radio. Le son Dance Floor. Merci d'écouter Fun Radio dans toute la France. Bon réveil, le point sur l'actu tout de suite. Avec Maxime Poulavec. Ah, et on sent la musique de Suède. Parce que Poulavec, c'est ça, c'est la Suède, c'est les fjords. Bien sûr. Tout à fait. Ça va, Maxime? Ça va et toi, Bruno? Eh ben, ça va très bien. Allez, on attaque avec la météo de ce lundi 29. Oui, fin de la canicule sur l'ensemble du pays, mais la semaine de rentrée s'annonce plutôt belle et estivale. Exception aujourd'hui avec pas mal de nuages, quelques éclaircies et des averses entre le nord, l'Île-de-France et les Landes. Du soleil dans le sud-est et plus tardivement vers la Manche. Ce matin, comptez 14 à 17 degrés. Au plus chaud, il fera 21 à Brest et La Rochelle, 24 à Paris et Tours, 26 à Lyon, 32 à Nîmes. Grosse mobilisation des agriculteurs. Ils vont organiser à partir d'aujourd'hui des manifestations contre Lactalis. Objectif forcé, le géant du lait a augmenté ses prix d'achat. Cela passera par le blocage de sites de production et la rencontre des consommateurs dans les magasins. De nombreux Français de retour au boulot aujourd'hui. C'est le cas aussi pour le gouvernement avec un meeting de rentrée à Colomiers dans la banlieue toulousaine. Manuel Valls et plusieurs ministres se réuniront dans la soirée sous la pression de syndicats et sur fond de dissensions ouvertes au sein du gouvernement au sujet du burkini. Les 5 jours de canicule derrière nous, il a fait très chaud et des records de chaleur ont été battus pour cette période de l'été. À Auxerre, le thermomètre a dépassé les 35 degrés, 4 jours de suite, du jamais vu. On a eu 36,3 à Nantes, un record de 1961, mais la canicule était moins longue et moins intense qu'en 2003. En football, Paris enregistre sa première défaite de la saison lors de la 3e journée de Ligue 1. Le PSG a été battu hier soir par Monaco, 3-1. Dans les autres matchs du dimanche, 0-0 entre Saint-Etienne et Toulouse, 1-0 pour Bordeaux contre Nantes. Et puis l'équipe de France joue un match amical jeudi contre l'Italie. Didier Deschamps doit composer avec plusieurs blessures. Fekir, Lacazette et Cabaye remplacés par Gamero, Dembélé et Kondogbia. Bon réveil sur Fun. Attention, en écoutant le programme qui va suivre, vous allez vivre une expérience générationnelle. Par la seule magie des ondes radio, en l'espace de quelques secondes, vous allez être connecté, lié, avec des millions de personnes près de vous. En France, en Belgique et dans le monde entier, vous allez découvrir une famille. Vous allez faire partie de cette famille. Une famille de cœur, une famille de couleurs, sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. on Fun Radio. Lundi, nous sommes le 29 août, vous écoutez Fun Radio, il est 7h04. Bonjour! Mais si vous saviez à quel point nous sommes heureux, contents, ravis de vous retrouver. Nouvelle saison, c'est la 6e sur Fun Radio. C'est toute l'équipe de Bruno dans la radio qui vous accompagne avec le son Dance Floor de Fun. Galantis qui arrive, un de mes sons préférés de cet été, le nouveau Kungs. I'm gonna rap you. Il était venu mixer en live chez nous, c'était au mois de juin, début juin, quand on avait fait l'émission en direct de chez moi à Saint-Jean-d'Angély. Il nous avait fait écouter la maquette de ce titre hors antenne, il nous avait dit c'est nos nouveaux singles, on était déjà comme des oufs sur ce truc. Don't you know, ça arrive, et puis, oh putain. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud. Nicole Pervers est de retour, j'ai chaud, j'ai chaud. Parodie de Soprano, vous connaissiez. Je suis en feu, nouveau titre de Soprano. Il cartonne en ce moment, Sopra, notre pote Sopra. Et bien désormais vous allez chanter. Je suis un chien. Voilà, ça arrive. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là, il y a Christina. Bonjour. Il y a Vacher. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour, et je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais il y a une arène Pokémon dans le studio. Alors déjà que je bossais pas beaucoup, je vais faire des combats. Dans ce studio ? Ouais, il y a une arène Pokémon là. Alors ouais, faut que je marche un peu vers Fonf pour la voir, mais elle est dans le studio. Pour ceux que ça intéresse. C'est quel niveau ? Niveau 19. Ah putain, c'est quel niveau, Christina ? Ah non, moi je joue pas, moi je vous regarde jouer. Hein. J'y comprends rien. Je suis niveau 10, moi. T'es quoi, France ? Ouais, j'ai arrêté, moi. Et Vacher, t'es à combien ? J'ai arrêté parce qu'en fait, j'aime pas marcher déjà, donc c'est chiant. et quand je l'ai installé, j'étais à Grésillac chez mes parents, donc comment vous dire que les Pokémon n'y a pas ? Donc j'étais aux toilettes et j'attendais qu'il y en ait qui viennent. Et j'en ai eu 3 aux toilettes. Ouais. Et dès qu'il n'y en avait plus dans les toilettes, j'ai arrêté. Moi, j'étais en vacances chez mes parents à Saint-Jean-d'Angély, c'est calme niveau Pokémon. Ce que je disais sur Snapchat, il y a eu un Roucoule qui est passé, il y a eu l'ambiance, il s'est pendu. c'était pas leur délire. Bon, les amis, c'est une grosse heure qui arrive. Puisque je vous le disais, il y aura la nouvelle chanson de Nicole Pervers dans quelques secondes. Je vais lancer la saison des factures 2016-2017. Vous avez de la facture, tous les jours je vais payer cette facture. Par deux fois, 7h10 et 8h10. Comment fait-on pour faire parvenir les factures à Fun Radio, Christina ? Facture@funradio.fr, comme ça arrive très vite. Et puis vous prenez un petit peu plus de temps en l'envoyant par courrier. Fun Radio, 20 rue Bayard, 75008, Paris. Et à 7h30, retour de la chanson du jour. Chanson du jour de ce matin, on va tenter un truc. Alors techniquement, je vous cache pas que ça va être compliqué. On va voir. C'est soit un grand moment de radio, soit une grosse loose de radio. Dans les deux cas, faut être là à 7h30. Je peux pas mieux vous dire. Bon, ce qui est rassurant, c'est que ça a été checké par Elliot. C'est ça le problème. C'est bon, pas de soucis. Tout part de mon ordi, alors ça va être vraiment nickel. C'est justement le truc qui m'inquiétait un peu. Mais pour l'instant, à 7h07, Vacher Time. Bruno. Vacher Time. Oui. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et là, tout de suite, c'est Siri qui remplace Vacher, le logiciel à reconnaissance vocale de l'iPhone. Tout à fait. Il a appelé Yves Rocher, Siri, voilà, parce qu'il voulait s'acheter des produits de beauté, il a le droit. Et le problème, c'est qu'il comprend pas très bien tout ce qu'on lui dit. Du coup, ça donne lieu à des situations un peu cocasses, quoi. On écoute. Bonjour et bienvenue, c'est Yves Rocher. Bonjour, je suis Christine, que puis-je pour vous ? Bonjour Christoche, je suis Monsieur Siri, je veux devenir client. Alors, je vais prendre votre adresse. Vous avez dit, alors je vais prendre votre taux de graisse. Non, l'adresse. Eh bien, je suis gros, merci de me le rappeler. Mais je... Alors, désolé, je ne vous ai pas parlé. C'est ça ton plaisir, ma chère Christoche, faire pleurer les gros ? Non, monsieur. Tu as réussi. Sniff. Non. Sniff. Monsieur Siri. Sniff. Non, je vous... Sniff. Allez, tout ça est derrière nous. Passons à la suite, je t'écoute. Alors, que voulez-vous commander, monsieur Siri ? Vous avez dit, que voulez-vous pour bonder, monsieur Siri ? Ah non, monsieur... Effectivement, j'ai aussi des problèmes d'érection. Tu connais toutes mes tares, sorcière. Non, alors attendez, on ne doit pas trop bien se comprendre là. Je vous envoie une offre promotionnelle à ce moment-là. Vous avez dit, attendez, laissez-moi me reprendre. Je vous envoie une photo de ma rondelle à ce moment-là. Non. Bonne idée, cela m'aidera pour mon problème de sgeg. Oh. Elle a raccroché, sniff. Dans quelques instants, Nicole Pervers est de retour sur Fun Radio. Vous connaissiez la version originale de Soprano. Je suis en feu. Nico revient plus fort que jamais après un peu de prison. Ça s'appelle Je suis en yinche. Je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Ça arrive sur Fun Radio et puis on va parler. Tiens, je voudrais qu'on lance un sujet puisque c'est la rentrée pour la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous. Et quand on revient, on a tendance à parler de ses vacances avec ses collègues de bureau. Et donc dans quelques secondes, on va parler avec Louzman du Standard. Ça va, Louzman? Oui, ça va. Et puis Meryl du Waves. Ça va, ma Meryl? Oui, super. Merluche, bien. T'as pécho un peu cet été, Merluche, ou pas? Un petit peu, de temps en temps. Ah, chaudasse. Ouais, non, pas. Elle est en train de s'affirmer. Premier jour. Et alors, c'est quoi? Parce qu'elle est arrivée ce matin, c'est une phrase, tu vois, que tu ne penses ne jamais entendre dans ta vie. Meryl m'a dit: j'ai une nouvelle passion. On était en train de parler, on était à la machine à café. Et donc la passion de Meryl, c'est. La montgolfière. Voilà. Donc, je veux dire, en 2016, tu vois, en 1823, quelqu'un arrive en disant j'ai la passion pour la montgolfière. Tu dis bah oui, mec, c'est un délire, tu vois. Oui, c'est un moyen de transport comme un autre. Voilà. Mais en 2016. C'est chelou. Tu vas nous expliquer cette passion pour la montgolfière, Meryl. Avec plaisir. Et si vous aussi, vous avez des passions que vous avez découvertes cet été, une nouvelle passion, vous vous êtes dit tiens, bah, j'aime ça. Eh ben, venez nous en parler. 32-28, on fait de la radio ensemble. Et pour nos amis belges qui nous rejoignent ce matin, 02 85 10 000, vous êtes les bienvenus. Vous allez voir, on ne meurt pas. Pour l'instant, alerte people. Oui, c'est une des nouveautés de cette rentrée 2016-2017. Il n'y a plus de chronique people à 8h15. Par contre, dès qu'il y a une info people qui tombe, boum, Christina Léo Taquet, elle est là sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook. Et là, info concernant ce qui s'est passé cette nuit. Ouais, ça s'est terminé il y a une heure, les MTV Video Music Awards. C'était à New York. Ouais. Ça a eu lieu toute la nuit et bon, il y avait toutes les stars qui y étaient, à commencer par Rihanna, c'est elle qui a ouvert le show, ça donnait ça. Elle s'est produite 4 fois pendant la cérémonie. Elle a fait des medleys de tous ses titres. Alors, quand elle a chanté dans les aigus, elle s'est un peu fait lyncher sur Twitter parce que elle avait du mal à tenir la note. Mais bon, elle dansait en même temps. Il y avait Britney Spears qui était là aussi. Alors, elle a tenté de défendre son nouvel album. Je sais pas si vous l'avez écouté. Il est sorti vendredi. Ça s'appelle Glory. Bien sûr. Et il y a un titre en français dessus. Vous l'avez écouté ou pas? Non, c'est quoi? Alors, je vous précise qu'il est en français parce que quand on écoute, c'est pas forcément évident. Écoutez. Je pète. Électrique, je pète électrique. Oubliez pas mon cœur. Bonne nouvelle. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pas d'une évidence, hein. Bon, bref. Elle était là, elle était assez chaude d'ailleurs cette nuit. Elle a dansé vraiment très très proche d'un mec. Je vais vous mettre la vidéo sur la page Facebook Bruno dans la radio. Et puis alors celle qui a fait partie, qui a tout fait déchirer cette nuit, c'est Beyoncé. Écoutez ce que ça donnait Beyoncé en live. Ça va pas passer sur Fun, ça. Non, mais elle a fait une performance de ouf. Elle a raflé tous les prix. Et alors, quand même, je vais vous mettre la photo de sa tenue, puisqu'elle avait une espèce de robe avec une méga collerette. Et tout le monde l'a comparé à un Furby. Donc voilà, vous allez voir plein de photos sur les réseaux sociaux. Beyoncé égale Furby. Mais les collerettes, c'est pas les trucs pour les chiens, pour pas qu'ils se grattent. C'est une énorme collerette en plume. Ah ouais. Allez voir, c'est sur la page Facebook. C'est pour pas qu'elle se sente le cul quand elle chante. Merci Christina. Dès qu'il y a une info people qui tombe, tu reviens, bien entendu. Bien sûr. People, ça peut arriver n'importe quand. Allez, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, nous allons payer de la facture. C'est reparti pour une nouvelle saison. Nouvelle saison, vous pouvez faire péter vos factures par mail. Facture, avec ou sans S, ça marche. @funradio.fr. Et il y a le site aussi, brunopayevosfactures.fr. Vous la déposez, c'est rapide. Et j'espère que vous serez tiré au sort. Alors, justement, concernant les factures, Christina, j'ai une question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Hashtag BrunoFunRadio. Christina, est-ce que quand on a déjà envoyé une facture, on est obligé de la renvoyer une nouvelle fois parce que c'est la nouvelle saison? Ou alors, vous avez toujours les factures en stock? Et dans ces cas-là, vous pouvez nous rappeler? Reprenez votre souffle, Perfora. Alors, père... on garde toutes les factures, mais on a toujours des nouvelles factures, donc vous pouvez aussi renvoyer les nouvelles factures. Ah. Merci, mais on garde les anciennes. D'ailleurs, tout à l'heure, on va pouvoir réécouter des sons d'Eliott. Ah oui. Dans Fort Boyard, Eliott est venu me voir. Oui, c'était bien. Ah, vous savez, père Foura, il faut pas que vous parliez trop longtemps parce que j'ai l'impression que Bruno Guillon, qui incarne votre personnage, est en train de suffoquer. Quoi. Et dans deux phrases, je pense qu'il peut décéder. J'avoue, je suis au bord de la vaisselle. Bon, hein, on appelle. Ça y est, je change de voix. T'as vu le retour? Vous avez envoyé votre facture. On peut vous appeler maintenant en direct sur Fun Radio et peut-être vous payer votre facture. C'est la première. Toujours la première facture, c'est toujours un. Allô. Allô, Emilien. Oui. Bonjour, Emilien. Bonjour. Emilien, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno sur Fun Radio. Eh ben là, allez. Emilien, à Tassin, que fais-tu dans la vie? Quel âge as-tu? Dis-moi tout. Alors, je suis commercial, j'ai 25 ans. D'accord, ok. Tu vends quoi? Je suis tout ce qui est transport. Tout ce qui est transport, d'accord, très bien. J'ai une facture sous les yeux. C'est ça. Donc il s'agit en fait de billets d'avion. D'accord, pour Ibiza, tu es allé quand? Début août. D'accord, c'était bien? C'était le top. D'accord, t'as fait quoi? Raconte-nous un peu Ibiza, parce que nous on a fait quelques trucs. Fais-nous rêver là en 30 secondes. Qu'est-ce que t'as fait de kiffant à Ibiza? Quel DJ t'as vu? En gros, j'ai vu The Best, quoi. Il y a David Guetta. Ah ouais, énorme. Galantis. Ouais. Et puis Kungs. Donc tu t'es fait plaisir. Ah ouais, très bien. Exactement. Guetta, tu l'as vu à l'Ushuaïa. Ouais, alors ce que j'allais dire, tu l'as vu à l'Ushuaïa ou au Pacha Club? Ushuaïa. Ushuaïa, c'est très bien l'Ushuaïa. Très belle boîte l'Ushuaïa. Je dis pas ça parce qu'on y va à l'été, mais c'est vraiment très bien. 595,80€, Emilien. Ouais. Eh bien c'est cadeau, c'est pour moi, c'est payé. Waouh, ouais, super en tout cas. Merci Bruno. On t'envoie le chèque très vite, on t'embrasse mon pote. Et bonne saison. Eh ben merci. Écoute, c'est le premier jour aujourd'hui, je crois qu'on est assez en forme. Mais qui se la pète quoi? Moi je suis allé voir Pascal Obispo à Arcachon, j'ai pas dit à tout le monde. Hein. Mais en même temps, t'as pas envoyé ta facture. Si j'existe, c'est être fan. Eh bien, ici, nous existons car nous sommes fans. Nous sommes fans de Nico le pervers. Ouais, putain.

On est là les amis, on est de retour, c'est la sixième saison de Bruno dans la radio et les gens pourraient dire mais sixième saison ils vont refaire la même chose tout le temps, ça va être pareil, je vais changer de radio, j'en ai ras le bol. Non, car Bruno dans la radio c'est tout le temps pas pareil et vous allez le découvrir ce matin puisque à 8h il y aura une nouvelle rubrique qui s'appelle Brioche au croissant. Brioche au croissant, ça donne envie. C'est l'heure du petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et le premier qui va s'y coller, c'est notre poteau Christophe Beaugrand, qui a repris Secret Story. Là, c'était vendredi soir. Eh bien, ce sera le premier à se coller brioche au croissant tout à l'heure, 8h du matin. Excusez-moi, c'est qui trouve les noms des chroniques dans cette émission? Alors là, j'avoue que c'est Bruno. C'est moi qui ai trouvé le nom de la chronique. On n'était pas sûr. Ouais. Et maintenant que tu me le dis, je suis pas sûr encore. Mais heureusement que t'as payé personne, du coup, au moins c'était gratuit, quoi. Parce que pour trouver ça, je t'emmerde. On aurait pu faire thé ou café. Ouais. C'est vrai. Mais c'était déjà pris. Bon, alors, on parlait avec Meryl. Meryl, donc, du web, s'est découverte une nouvelle passion cet été. C'est la montgolfière. Ouais, la montgolfière. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, cette passion subite pour la montgolfière, s'il te plaît? Alors, tout simplement, je suis allée avec ma grand-mère, parce que c'était son anniversaire, on lui a fait un petit vol de montgolfière. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. Et ouais, je me suis pris d'affection aussi, d'ailleurs, pour le monsieur de la montgolfière qui était très gentil. C'est une chaudasse. Il avait quel âge? 30 ans. 30 ans. 35 ans. Ah, il était pas mal, c'était un beau gosse. Ouais. Ah oui, d'accord. Et voilà. D'accord, la montgolfière. Merci. C'est quoi, ça nous a donné envie, en tout cas, la montgolfière. Puisqu'on parle de passion, il y a également Loosman. Loosman, c'était quoi ta passion d'été? Le cerf-volant. Non. Vous arrivez sur Fun Radio. Mais vous savez que c'est triste parce que Loosman, c'est vrai, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis en dehors de nous dans la vraie vie. C'est vrai, c'est un mec qu'on imagine toujours seul. Et je l'imagine tellement partir en vacances tout seul, faire 100 km pour aller faire du cerf-volant sur la plage. Bah, c'est son ami, le cerf-volant. Voilà. C'est-à-dire que vous étiez en train de faire la teuf avec vos potes, vous mettre à l'envers sur des sons de ouf. Et pendant ce temps-là, sur la plage, il y avait Loosman avec son cerf-volant. C'est ça. Mais c'est trop bien. Avec sa chemisette à carreaux, manche courte. Oh là là. Et un petit gamin de 8 ans qui passe derrière lui en disant ringard. Non mais après, voilà, je disais, on a peut-être eu chacun des passions d'été. J'ai lancé ce sujet là au 3228 et je vous ai dit les Belges aussi un 0,85 10 000. Vous pouvez 0,2 85 10 000. Excuse-moi, je suis en apprentissage de Belgique. Sandy à Roquebrune. Bonjour Sandy. Salut Bruno, salut la famille, trop contente de vous avoir. Eh ben, trop contente de t'avoir. C'est quoi ta passion que tu t'es découverte cet été? Moi, c'était le canoë-kayak, grâce à une copine. Et t'as fait ça sur quelle rivière, quel fleuve? J'ai commencé en fait au lac du Rocher de Roquebrune, ouais, qui est pas très loin de chez moi. Ouais. Et puis bah, après, on est allé à différents endroits, dont les gorges du Verdon, c'est trop magnifique. Ah, c'est beau, les gorges du Verdon, c'est beau. Moi, voilà. Alors, tu vois, c'est marrant que t'en parles. J'ai fait du kayak aussi cette semaine. Ah bon? Sur une rivière à côté de chez moi qui s'appelle la Boutonne à Saint-Jean-d'Angély. C'est cool. Vous voulez pas en parler plutôt en antenne? Non, parce que tu vois, j'ai une vraie anecdote. D'accord, par rapport à ça, c'est que je me suis baigné dedans. Ouais. Je me suis baigné dans la rivière et je me suis dit, on peut se baigner dans une rivière. En 2016, ça risque rien. Et donc, je vous montre là, regardez. Un mutant. T'es rempli de boutons. J'en ai partout sur tout le corps. Ah, elle s'appelle la Boutonne en même temps. Oh, merci Christina, jeu de mots. Sandy, je te fais des bisous ma belle. Merci d'avoir appelé. Antonin, il est à Marseille. Bonjour Antonin. Salut Bruno, c'est la famille. Vous êtes au top. Marseille. Yes. On a gagné. Oh, on a gagné un match. Je suis bien désolé, tout le monde, les Parisiens hier soir, pas très très beau. On est champions. On est les champions. Regardez. Supporter de Marseille, c'est pas si souvent, donc tu me laisses me faire kiffer deux secondes. Profitez. Bon, c'est quoi ta passion que tu t'es découverte cet été, Antonin? Alors moi, en fait, ma sœur de base, elle avait fait un saut élastique, tu vois, et moi, je voulais trop le faire et tout. Et ben, depuis cet été, je me suis découverte une passion, le saut élastique plus le saut en parachute. Ah ouais, carrément. Et si tu faisais un combo des deux? Le saut en parachute en élastique. Faudrait un long élastique, quoi. C'est-à-dire que hop, tu sautes avec l'élastique, le parachute s'ouvre, hop, et tu remontes. Ah, tu remontes. Et t'es enveloppé dans le parachute. Ouais, c'est ça, le parachute se prend dans les hélices de l'avion et t'es aspiré, tu meurs. Ah ouais. Et tonton, putain, c'est ton proche, tonton. Qu'est-ce qu'il y a, Antonin? Ça va, Fred, j'ai dit tonton au lieu de Bruno. Il t'a appelé tonton. Ah, mais tu peux l'appeler tonton. Mais oui, vas-y, on l'appelle tonton. C'est la famille, hein. Mais tu sais, viens sur mes genoux, je vais te donner un Vertars original. En plus, t'as moins de 18 ans, écoute. En tout cas. Ah non, remarque, le créneau des moins de 18 ans, c'est déjà pris par quelqu'un d'autre. Excuse-moi. Antonin, je t'embrasse, mon pote. Hein. Je l'avais oublié. Ouais, la surprise de l'été. Non. Let the police do the job. Yeah. Presumption of innocence. Yes, yes. Kungs arrive sur Fun Radio. Et alors, on a une chanson du jour, les amis. Mais de ouf. Ça arrive juste après les news. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Niels Van Zandt. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Niels Van Zandt. Chucky. Tujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. C'est cette année ? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire ? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé ? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bics. Voilà, et tes cahiers ? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine. Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Bougez pas, Bruno. Non, ne bougez surtout pas, il y a la chanson du jour qui arrive sur Fun Radio. Oui, on a gardé la chanson du jour pour cette nouvelle saison, c'est un de vos rendez-vous préférés. Je peux vous dire que la première chanson du jour de cette nouvelle saison va tout déchirer. Restez ici, c'est après les infos. Fun Radio, le son dance floor. Les infos de ce lundi 29 août avec Maxime Poulaouek. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va commencer avec la météo de ce lundi. Oui, la canicule est terminée. Retour d'un temps nuageux sur les deux tiers du pays. Il y aura quelques averses des Hauts-de-France au centre-est et à l'Aquitaine. Le soleil brillera sur la Bretagne et vers la Méditerranée. Il fait 14 à 17 degrés ce matin, jusqu'à 23 pour Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 22 à Reims, 24 à Paris et Bordeaux, 26 à Nantes et Nice, 27 à Perpignan, jusqu'à 32 à Nîmes. La crise du lait, les éleveurs veulent faire plier Lactalis. Ils vont mener des actions de blocage à partir d'aujourd'hui sur les sites de production, notamment à Cesson et à Sévigné, près de Rennes. Ils iront aussi à la rencontre des consommateurs dans les magasins. L'objectif est de faire grimper le prix d'achat de la tonne de lait. Sous la pression des syndicats et dans un climat tendu en son sein, le gouvernement fait son meeting de rentrée aujourd'hui à Colomiers, en Haute-Garonne. Manuel Valls et plusieurs ministres y participeront, alors que le contexte est marqué par les derniers événements sur le Burkini. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, prendra la parole quelques heures après sa conférence de presse sur la rentrée scolaire 2016-2017. 36,3 à Nantes, 35 degrés pendant 4 jours à Auxerre. Des records de chaleur ont été battus la semaine dernière selon le dernier relevé de Météo France. Pendant 5 jours, la canicule a touché l'ensemble du pays. À Paris hier, les Franciliens se sont offerts un bain dans le bassin de la Villette, la baignade étant pourtant interdite. En football, Monaco a fait chuter le PSG hier soir à l'issue de la troisième journée de Ligue 1, une victoire 3 buts à 1. Monaco est en tête avec Nice et Guingamp. Hier, Bordeaux a battu Nantes 1-0, 0-0 entre Saint-Etienne et Toulouse. Beyoncé, reine des MTV Video Music Awards. La chanteuse a remporté 8 titres cette nuit lors de la cérémonie organisée au Madison Square Garden de New York. Queen Bee entre au palmarès et égale Lady Gaga en nombre de titres sur une soirée. Il est 7h34, vous êtes sur Fun Radio, c'est Bruno dans la radio. Wow ! Bruno ! sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. On est là, on est de retour, c'est lundi, c'est le 29 août, c'est Bruno dans la radio avec toute l'équipe, il y a Christina, il y a Vaché, il y a Elliot. On est au taquet, il y a Nicole Pervers qui est passé ce matin. Nouveau son pour Nicole Pervers, ça s'appelle Chouillon. J'ai chaud, j'ai chaud. Hashtag Bruno Fun Radio, top tweet France pour Bruno Fun Radio, là, depuis 6h du matin, même avant 6h moins le quart, on était déjà en TT France. Et ben ça fait plaisir, les amis. Plein de retours pour Nicole Pervers avec le hashtag Bruno Fun Radio. Merci beaucoup. Si vous étiez des données, ça, le petit trou au milieu, j'aimerais enlever mon pantalon. On peut plus parler à la radio. York Mousse qui dit il est magique ce Nico, énorme félicitations. Il y a Zitrubi qui dit sur Twitter, je suis comme toi Nicolas, au top, terrible ce nouveau son, Nicole Pervers. Oh putain, c'était génial. Il y a Rémi qui dit ça, Alex Long qui dit Jean-Yves Ken, je me suis levé pour ça, pour la parodie de Nico. Sinon, j'ai déjà mis dans un bagel saumon. Ouais, ça alors, quoi. C'était pas mal, c'était pour mon anniversaire. Léa qui dit la chanson de Nico, juste top avant d'aller au boulot. Il y a Greg qui dit au top, le nouveau Nicole Pervers. Bref, vous êtes tous en kiff sur Je suis en chien. Il y en a aussi qui se plaignent parce que du coup, ben, ils entendent plus que ça sur la chanson de Soprano. Hein. Il faudra peut-être avoir Sopra quand même. Ouais, ouais, pour avoir son avis, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Pour demander pourquoi il copie mes titres. Déjà number one. Kungs. I'm gonna rap more and smoke. Nouveau Kungs. Don't you know, ça arrive sur Fun Radio. On aura le premier moment happy de la saison. Un moment happy, j'aime bien. Les bonnes nouvelles, ça fait plaisir, on en a besoin. C'est dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mais pour l'instant, la chanson du jour. On a comme un petit problème. Le lundi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du lundi. Fun. Chanson du lundi, les amis. Chanson du lundi. Faites sonner le clairon. Pour Cédric, bonjour Cédric. Salut Bruno, salut la famille. Alors, ça le son est ouf. Il faut que je vous explique, parce que la chanson du jour de ce matin, on bosse dessus depuis 4 jours. Cédric, je vais d'abord demander ton métier. Je ne vais pas pouvoir dire exactement précisément où tu te trouves et vous allez comprendre pourquoi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis militaire. Voilà, t'es militaire et t'es en mission. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, voilà, t'es dans une zone qui est chaude, t'es au Moyen-Orient? Oui. On peut dire ça? Oui. J'ai pas le droit de dire plus, mais t'es au Moyen-Orient. Et si le son est ouf, c'est parce qu'on communique avec toi via Skype. C'est ça. Voilà. Et donc, tu nous as envoyé un mail qui nous a beaucoup touché à bruno@funradio.fr. Le principe de la chanson du jour, je le dis pour ceux qui nous découvrent ce matin, c'est tenter de faire passer des messages via la radio et en chanson. Vous nous expliquez tout ça par mail. Et puis nous, eh ben, on écrit une chanson et on contacte la personne que vous voulez avoir pour faire passer le message. Donc toi, t'es en mission au Moyen-Orient. D'accord. Pour combien de temps encore, mon pote? Ouais, je peux pas le dire exactement. Ouais, c'est toi, on est dans le domaine. Mais un petit bout de temps. D'accord, petit bout de temps. C'est, t'es dans l'armée de terre, armée de l'air, marine? Ouais. Armée de terre. Armée de terre, d'accord. Tu nous as demandé d'appeler ta meuf. Oui. Et alors, ta meuf est elle aussi militaire? C'est ça. D'accord, mais elle est en France ou pas? Oui. D'accord, c'est quoi le message en gros? Explique-nous. En gros, aujourd'hui, pour votre reprise, c'est notre anniversaire de mariage. Ouais. Et en gros, ça fait 7 ans qu'on est mariés aujourd'hui, et sur les 7 ans, on l'a fêté qu'une seule fois ensemble. Bah oui, c'est pour moi, tu sais quoi, et par ta voix, je voudrais saluer tous les militaires qui sont en mission aux quatre coins du monde, puisque je sais qu'il y en a beaucoup via le net et qui écoutent Bruno dans la radio, soit en direct, soit avec les podcasts. Vous dire qu'on pense fort à vous, les gars, surtout en cette période difficile. On est tout cœur avec vous. Et surtout qu'il y en a qui sont envoyés au Moyen-Orient, c'est hyper dur de rester là-bas. J'ai même vu qu'il y a des gars qui étaient envoyés à Poitiers. Ouais. Il y en a qui habitent là-bas. Alors, ça fait 9 ans que vous êtes en couple, donc vous avez 3 enfants, c'est ça? Enfin, 2 et 1 en préparation qui devrait arriver fin d'année. D'accord. Ah, super. Ah, oui. C'est-à-dire que le temps où t'es revenu, hop, cartouche. Histoire du four. C'est ça. Et histoire de. Bon, ça fait combien de temps que t'as pas vu Audrey? Un petit bout de temps. Oh là, ça doit y aller avec Internet chez vous. Hein. et la dernière fois tu l'as eu au téléphone, c'était quand? Il y a une grosse semaine. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut pas téléphoner tout le temps. Bon, on lui fait passer le message et après tu seras en direct avec elle, d'accord? D'accord, pas de souci. Tu ne bouges pas, mon pote. J'adore la qualité du son. En direct avec nous par téléphone, nous avons Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. D'accord. Et si tu es en direct sur Fun Radio ce matin, Audrey, c'est que j'ai un message pour toi, c'est une chanson. D'accord ? Ok. Il faut que tu écoutes les paroles de cette chanson, puisqu'elle a été écrite spécialement pour toi. Et puis on en parle juste après, d'accord ? D'accord. C'est un message de la part de quelqu'un que tu connais bien, je pense. Ok. C'est un message de Cédric. D'accord. T'écoutes les paroles, on en parle juste après ? Ok. Eh ben c'est parti. Tu es en train de pleurer, j'ai l'impression. Ouais. On a fait ça sur le nouveau son de DJ Snake ? Oui. Oh, j'adore l'idée, c'est parti. Même si je peux pas, en ce jour si particulier, être à tes côtés, je voulais te surprendre, ma bien-aimée. Car ma chérie, ça fait 7 ans aujourd'hui que nous nous sommes dit oui. Pour le reste de notre vie. 7 ans que tous les jours je suis comblé, que mon amour fait qu'augmenter. Je suis prêt à re-signer pour l'éternité. On a des enfants merveilleux. Oh, qu'est-ce que je suis amoureux. Je pourrais pas rêver mieux. Je suis béni des dieux. Alors à la plus belle des mères, la plus belle femme de la terre, je nous souhaite un bel anniversaire. Et sache que malgré la distance, il n'y a qu'à toi que je pense. Et à d'être près de toi pour te serrer dans mes bras. Dans mes bras. Oh, hey. Il est beau le message ou pas ? Magnifique. Ouais. Ça chiale. Audrey ? Oui ? Il est beau ce message ? Oui. Ouais, il est beau. Ça fait longtemps que tu l'as pas eu au téléphone, ton chéri ? Au téléphone ? Enfin, on ne s'appelle pas au téléphone en fait. On se parle sur Skype. Bah oui. Ça fait combien de temps la dernière fois ? C'était quand ? Ce week-end. Et c'était un Skype normal ou un sexy Skype, comme on les appelle ? Quoi ? Audrey ? Oui ? T'es en direct avec Cédric. Cédric, salut mon père. Salut mon père. Voilà, je souhaitais te faire cette surprise pour notre anniversaire de mariage. Sache que tu me manques et que t'es tout pour moi et merci d'être présent dans ma vie. Voilà, j'ai hâte de te retrouver, toi et les enfants, et je te dis tout le bonheur que j'ai avec d'être avec toi. Voilà. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, ça commence, ça commence. On ça commence la saison de la chialade. Ah, trop cool. Ah, c'est magnifique. Cédric. Oui. Merci pour ce que tu fais pour notre pays. Merci pour ton engagement. Bon courage là-bas au Moyen-Orient, mon pote. Merci à vous, Bruno. Merci à toute l'équipe et à toute la famille. Là. Et on embrasse tous les militaires qui sont engagés là-bas dans les conflits parce que vous êtes au feu là-bas. On pense fort à vous, les amis. Et leur chérie aussi qui s'occupe parfois des enfants toute seule à la maison. C'est pas évident, donc bisous à vous aussi. Bien sûr. Et qui les trompe aussi des fois. Non, arrête un peu. Mais Audrey, oui. On te fait de gros bisous, ma belle. Moi aussi, gros bisous. Bisous. Voilà, c'est émouvant. Ah, oh, ça fait du bien. Voilà, et attaquer avec ça, je peux vous dire que ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. I'm gonna ride. Giuseppe ! Il est où, Giuseppe ? Il est en Belgique ! Ah, bonjour, ami belge ! On s'en doutait que ce prénom de Giuseppe ! Giuseppe, c'est le moment happy du jour. Ça va arriver là dans quelques secondes sur Fun Radio avec le nouveau Kongs. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New Music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. Salut, c'est DJ Snake. Fun. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor.

dans quelques secondes. Et DJ Snake avec Talk. Elliot, tranquille, t'as posté des photos de lui avec DJ Snake à Las Vegas. Faut attendre que tu nous débriefes de tes vacances. Hein. Ah ouais, c'était énorme parce qu'on a réussi donc à passer derrière DJ Snake, on s'est retrouvé dans le carré VIP. Et il y a un mec, genre un riche, il avait 3 magnums de vodka. Alors j'aimerais bien te raconter, mais j'ai oublié la fin de ma soirée. Ouais, genre génial. Je me souviens juste que j'ai des snaps derrière DJ Snake avec genre plein de selfies et tout. Donc je pense que si DJ Snake me voit demain, il me casse la gueule, je pense, parce que j'ai dû bien le faire chier bourré. Mais j'ai sympa plus de souvenirs. D'avoir ces anecdotes, ou surtout, ça parle des États-Unis, parce qu'on est écouté dans le monde entier. C'est vrai. Et moi, je voudrais avoir une petite pensée pour Teddy, ce fermier américain, qui est en train de cultiver son champ de maïs, et qui, au moment où je suis en train de parler, nous écoute sur Fun Radio depuis les États-Unis. Et il doit se dire. It's always incredible when I see c'est incroyable de retrouver l'équipe de Bruno dans la radio. Je ne savais pas comment je faisais avant pour me réveiller le matin. Et là, maintenant qu'ils sont revenus, je sais que je vais être en pleine forme. Et je voudrais faire un bisou à ma sœur que j'aime beaucoup par le biais des ondes. Merci, Teddy. Allez, moment happy. D'ailleurs, il faudrait que je refasse mes cours d'anglais. Je crois que d'auteur, c'est ma fille. Oui, oui. Mais ça me gênait, en fait. Rebonjour, Giuseppe. Bruno dans la radio. Ça y est. Salut, Bruno. Salut, la famille. Il a déjà le refrain en bouche. Alors que, normalement, Giuseppe, tu es censé nous découvrir. Où habites-tu? J'habite à La Louvière, entre Mons et Charleroi. Nous sommes en Belgique. Ah, il a l'accent comme dans Dick Neck, il a l'accent belge. Bah, il est mais tu le sais pas très bien, Elliot. Ah, je t'en Giuseppe, Giuseppe, bienvenue par ta voix à tous les Belges qui nous rejoignent ce matin. Et merci Bruno, merci. J'en profite pour faire un gros bisou à Evan et la tribu qui jusqu'à maintenant réveillaient les Belges le matin sur Fun Radio. Ils nous ont laissé les clés de cette matinale et nous essaierons de leur faire honneur chaque matin. Et Giuseppe, alors Giuseppe, tu nous as appelé parce que justement ton moment happy c'était ça. Oui voilà, en fait si tu veux, la semaine passée par le billet du Thermastime, j'ai appris que vous allez être diffusé en Belgique. Et voilà, pour moi c'était une grande nouvelle parce que j'écoutais souvent l'émission via les ondes FM de la France que j'ai capté de la Belgique. Mais comme parfois la qualité n'était pas exceptionnelle, ben maintenant tout est nickel maintenant. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Giuseppe. Merci. Giuseppe, je veux t'entendre crier « Je suis heureux ». Je suis heureux. Ils sont forts, nos amis. Et c'est vrai que, comme on dit là-bas... Où tu sens, où je te sens, mais pour la prendre une décision. Ils parlent français en Belgique, alors. Oui, bah oui. Alors, oui. Pas partout, parce qu'il y a le côté où on parle flamand aussi. Les wallons, les flamands. Ouais. Ouais. Voici Kungs, c'est sur Fun Radio. I'm gonna rock your back, dig it now, slow. Gonna rock your back, don't stay no. I'm gonna rock your back, dig it now, slow. Gonna rock your back, don't stay no. We'll be right back. j'adore. Nouveau Kungs, DJ Fun Radio. C'est le nouveau, ça s'appelle Don't You Know sur Fun Radio. À 8h, on a un nouveau rendez-vous, puisqu'on parle de nouveautés. On a un nouveau rendez-vous que vous aurez tous les matins à 8h, ça s'appelle Brioche au croissant. Oui, c'est moi qui ai trouvé le titre. Je sais pas si c'est très vendeur. Oui, mais Brioche au croissant, qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier à tester Brioche au croissant, c'est notre poteau Christophe Beaugrand. D'accord. Ah. Et donc, bah, restez ici, ce sera juste après 8h sur Fun Radio. À 8h10, je vais payer de la facture. Deuxième facture de la matinée. Tout à l'heure, on a payé un voyage à Ibiza. Vous avez un truc à vous faire payer, ça tombe bien, on est là pour vous. On est là pour vous, il faut envoyer vos factures. Facture@funradio.fr. Il y a eu un JPI tout à l'heure à 6h50 qui nous a valu les toutes premières insultes de la saison. Oui, car le JPI, cette saison, sachez-le, sera sans filtre. Voilà, c'est la sixième. On s'est dit, il vous a fallu 3-4 saisons pour que vous compreniez ce qu'était le JPI. Maintenant, on peut lâcher les chiens, c'est parti. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui c'est la Saint-Sabrina avec un Y. Donc soit vos parents sont fans d'Energie 12, soit ils voulaient juste vous faire chier. Et pour commencer météo, la canicule est enfin terminée après des records de chaleur, notamment à Auxerre où il a fait 35 degrés 4 jours de suite. Ouais, c'est historique. Quoi donc, 35 degrés à Auxerre? Non, parler d'Auxerre à la radio. Science, l'expérience de simulation de la vie sur Mars d'un an s'est achevée ce week-end. De son côté, la chanteuse Adèle continue l'expérience de simulation de vie sur un sneakers. Vendredi soir, nous avons tous découvert la maison des secrets avec une particularité cette année, l'eau de la piscine est rose. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui, je suis justement dans la maison des secrets au bord de la piscine. Mais vous faites quoi là, Anthony? Rose, j'aime pas, je préfère jaune. Ouais, la suite, vite. Et pour finir, si vous aimez le Nord et les films de Tarantino, découvrez Kill Bill Out. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Bah alors, à tout à l'heure. Le jeu des 30 secondes sera de retour tout à l'heure à 8h30 sur Fun Radio. Il y a du gros cadeau à vous offrir ce matin. Vous allez pouvoir gagner votre iPad Air 2, plus un coffret DVD. Et une nouvelle règle dans le jeu des 30 secondes qui va rendre Vacher complètement fou. Oh non. Si, si, tu vas voir. Oh oui, c'est sûr. Pour l'instant, c'est Coldplay sur Fun. Avec Sib, c'est Hymn for the Weekend sur Fun Radio. Vous restez ici, dans quelques instants, nouvelle rubrique, Christophe Beaugrand va tester Brioche au croissant sur Fun Radio. A tout de suite.

sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Et désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. Fun Radio. Lundi, c'est le 29 août, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 8h05, bonjour. Bienvenue sur la première radio dance floor de France. La France pour l'instant, mais bientôt également la Belgique, puisque ce matin et désormais tous les jours, nous sommes diffusés en Belgique. Bienvenue, amis belges. On en a eu tout à l'heure au téléphone. Vous pouvez intervenir, jouer avec nous n'importe quand, vous aussi, en appelant le 02 85 10 000. Et on est en train de travailler pour vous avoir un numéro de téléphone un peu plus simple quand même, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Amis belges, vous découvrez par Fun Radio aujourd'hui la voix de la France. La France, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. DJ Snake. La France, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Martin Solveig. La France, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Bob Sinclair. Ouh. Ça, ce sont les qualités de la France. Et puis, la France a ses défauts. Elliot est là ce matin. Bonjour. J'essaie de faire ce que je peux. Elliot Vaché. Et bonjour. Après, Bruno, Vaché et ses auréoles. Est-ce que tu peux montrer à la France entière ? Bah, il a chaud, il se donne. Ah merde. Je viens de voir ça. Ah merde. Ah oui, t'as des CD hein, sous chaque bras. Bah en fait, le problème c'est que je stresse toujours à la rentrée, moi, parce que c'est comme à l'école, je sais pas si je vais être bon, si je vais bien parler, si voilà, donc excuse-moi, ça me fait stresser, ouais. Je peux comprendre. Pas le gars qui en a rien à foutre et qui reste au fond comme ça, alors oui, il a peut-être pas d'auréole, mais peut-être que c'est un gros con. Pardon, excuse-moi. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver. Christina qui m'a balancé un petit truc tout à l'heure en antenne, il m'a dit, hey, dis donc, tu te souviens, en fin de saison, on avait dit qu'on ferait un truc pour Vacher. Parce que Vaché, quand on avait fait le Bruno dans ton salon chez un auditeur, avait piraté la télé d'un auditeur avec une télécommande et n'arrêtait pas de couper la télé pendant un match de foot. Et j'avais dit, oui, c'est vrai, il faudra qu'on fasse un défi à Vaché, un truc. Vaché ! Ouais. Bah, grâce à Christina, j'ai dit, on a un petit défi pour toi avant 8h30. Ok, les auréoles vont s'agrandir. Ouais. Et alors, exceptionnellement, et pour une raison bien précise, ce défi, tu ne pourras pas le faire dans ce studio. Oh non. Mais désolé. Voilà, je préfère te prévenir. Mais c'est quoi ça ? Voilà, il y a un truc qui se prépare. Tu n'es pas au courant. Voilà, on a préparé ça depuis ce matin. D'ailleurs, il y aura une grosse anecdote sur le défi de ce matin de Vacher, parce que je ne peux pas le dire maintenant, mais un truc énorme, et c'est le cas de le dire. Vacher, tu vas être papa cette année, c'est prévu pour le mois d'octobre. Vous êtes sérieux ? Pourquoi vous rigolez ? Quoi ? Tu vas être papa au mois d'octobre, on est d'accord ? Oui, je vais être papa au mois d'octobre, normalement. Eh bien, très bien. Et donc, vu que tu vas être papa au mois d'octobre, eh bien c'est un rapport, c'est un défi, papa. Il va falloir que tu accouches une femme. Nous allons t'emmener à l'hôpital, Vacher. Ah mais c'est ici quand même, c'est dans la radio où je vais prendre une voiture. Oui, non, c'est un défi papa. Ah d'accord. Voilà, qu'on va faire tout à l'heure. Eh ben putain. Tiens, et d'ailleurs, puisqu'on parle de défi papa, ma petite habitude de rentrée scolaire, je vais passer un petit coup de pile à mon fils en direct, je le fais à chaque fois. Mais il est encore en vacances. Non, lui il rentre aujourd'hui. Ah. C'est la messagerie ça. Ça sent la messagerie ou c'est... Allô. Ah bah, ça, allô. Oui. Oui. Allô. Oui. Oui, c'est moi. Vas-y, Anatole. Comment ça va, mon fils ? Bien. Bon, bonne rentrée, mon chéri. Merci. Est-ce que tu te souviens de la chanson de Vacher que je t'ai fait écouter ? Oui. Est-ce que tu peux chanter un petit peu, s'il te plaît ? Non. Parce qu'il a passé la journée d'hier à me faire le... Je sens que je suis en train de briller. Normal, c'est que je transpire. Le je suis en chien, il me l'a chanté toute l'après-midi quand même. Bon, et bonne rentrée mon fils, je t'aime. Merci. Bisous. Bisous Anatole. Au revoir. Ciao, ciao. Oh, le pauvre, ouais. il rentre trois jours avant tout le monde. Il rentre vu la qualité du son, ça s'entend hein, que vous l'accrochez sur le toit de la voiture. c'est... Bon, on a une nouvelle rubrique, les amis. Dans l'émission, ça s'appelle brioche ou croissant. C'est compliqué à expliquer. Brioche ou croissant, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que, bah, en fait, on va poser tous les jours des questions à des invités, mais il n'y a pas plusieurs possibilités de réponse. On donne le choix entre deux choses et l'invité doit choisir. Il peut pas dire les deux. Il peut dire les deux s'il veut, mais il doit expliquer pourquoi. Brioche ou croissant, ça commence ce matin. Nouveau rendez-vous tous les jours à 8h sur Fun Radio et ce matin, c'est Christophe Beaugrand. Brioche ou croissant ? Croissant, au beurre. Ou chocolatine même, parce que je suis du sud-ouest. Magazine ou portable aux toilettes ? Portable. Twitter. Sachez, mes followers, si vous m'écoutez ce matin, que je vous réponds en faisant caca. Claquette ou tongue ? Tongue. Tongue parce que j'aime bien sentir le petit truc entre les doigts. Écran total ou monoeil ? Faut commencer le premier jour avec un peu d'écran total et puis après, une fois que la peau est prête, monoeil à fond. Main ou gant de toilette ? Main. Je trouve le concept du gant de toilette un peu dégoûtant finalement. Puis dès que je peux me toucher, moi, y a pas de problème. Johnny Hallyday ou Justin Bieber ? Ah bah je suis désolé mais je vais dire Johnny. Hein. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, allumer le feu. C'est rapide, c'est efficace, ça s'appelle Brioche ou croissant, c'est tous les matins sur Fun Radio. Et Christophe Beaugrand que vous retrouvez ce soir sur NT1 pour Secret Story. Vous avez maté un peu ? Faut qu'on en parle quand même de Secret Story. Hein. Tu veux vraiment parler ? Ah moi ouais, j'ai maté vendredi, il y a quand même le plus grand secret de tous les temps. Ah oui, alors c'est vrai. Ah bah ouais, faut qu'on en parle. Le cum là, le cum qui a eu un enfant. Ouais, le premier homme enceinte au Quoi monde. Quoi ? Ouais. Mais c'est pas possible ça. Bah si c'est possible. Tu le sors par où ? Ah, je viens de gerber un bébé quoi. Allez, DJ Snake, tout de suite sur Fun. Ou bien le 02 85 10 000. Si vous êtes en Belgique, vous allez pouvoir jouer au jeu des 30 secondes ce matin et repartir, entre autres, avec votre iPad Air 2 et un coffret DVD et de nouvelles règles pour le jeu des 30 secondes. Vaché, tu vas adorer ces nouvelles règles. Oh là là, alors j'ai un défi. Il y a des nouvelles règles au jeu des 30 secondes. Vous voulez que je saute par la fenêtre, en fait, aujourd'hui ? C'est un peu ton émission ce matin. C'est pour dire qu'on est content de te retrouver. Dans quelques secondes, je paye de la facture. Ah, une flèche vient de se planter dans la cible du studio. C'est une alerte people, Christina, qui nous vient d'où ? Alors, ça nous vient des États-Unis, enfin, de Mexico, en fait. C'est un Américain qui est à Mexico en ce moment. Mexico, du coup, ça vient pas des États-Unis. Non, non. Ou alors, il y a eu un truc cette nuit qui a fait que, mais sinon, c'est au Mexique. Non, non, tout va bien. C'est Justin Bieber. Il est en vacances à Mexico en ce moment. Et alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actu people cet été. Il a une nouvelle chérie, Justin Bieber. Oui. Ils l'ont pas tous critiqué sur Instagram. Mais exactement. Du coup, il a fermé son compte. Elle s'appelle Sofia Richie. C'est l'une des filles du chanteur Lionel Richie. Très bien. Elle est belle. Hein. Elle est très, très belle. Mais alors, les fans de Justin Bieber ne l'aiment pas. Mais elles ne vont pas du tout aimer ces photos qui sortent ce matin, qu'on va vous poster sur la page Facebook Bruno dans la radio. En gros, donc, ils sont ensemble en vacances. Ils se font des bisous, des câlins, les paparazzis sont pas très loin, commencent à tout filmer. Et là, en fait, ils ont commencé à faire des préliminaires, carrément, ouais. Parce qu'on voit que Justin Bieber, bah, est cul nu, hein, les photos quand même parlent d'elles-mêmes. Ah, oui, et là, il y a le garde du corps qui arrive à un moment donné, qui dit, bah, en fait, vous allez vous mettre à l'intérieur parce que tout le monde est en train de vous voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc c'est assez chaud. Il fait des préliminaires, mais il a un caleçon qui est ridicule quand même. Je tiens à le dire. Ça reste Justin Bieber. C'est un caleçon de plage, quoi. Oui, c'est ça, mais qui est ridicule. On m'a dit que je ressemblais cet été, et je vous jure que c'est vrai, Justin Bieber en brun. Et Gilbert Montagnier, il va bien ou pas? Parce qu'on n'a pas de nouvelles du gars depuis longtemps. Tu l'as rencontré alors? Oui, c'était lui. Martin Solveig arrive sur Fun Radio, mais pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, je paye de la facture. Fun Radio, c'est la seule radio en France à payer vos factures. Et si vous arrivez ce matin, que c'est la première fois que vous écoutez Fun Radio, bah soyez les bienvenus. Vous faites partie de la famille. Oui, dès le premier jour, on vous accepte. Et dès le premier jour, on peut payer votre facture. Seulement pour vous la payer, il faut me l'envoyer. Vous le faites soit par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris ou bien par mail facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau. C'est payé. C'est pour nous. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Désolé. On part à Langueux dans le 22. Côte d'Armor. Chez Victor. Allô? Allô Victor? Ouais. Ouais, c'est Victor, comment ça? Toujours vivant? Sans déconner. Ah, rassurez-vous. Toujours la banane, Victor. Ah bah à fond la chocasse, quoi. Victor, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bah c'est Bruno dans la radio. Elliot, maintenant, il commence à applaudir avant. T'as quel animateur? Ouais. Elliot, maintenant, autant il était en retard beaucoup l'année dernière, maintenant il est en mode. Voilà, si vous l'entendez rire à un moment, c'est qu'il y a une vanne qui va arriver. Il est toujours en avance cette fois. Bon, Victor, tu fais quoi dans la vie? Tu as quel âge? Dis-moi tout. Alors, moi, j'ai 27 ans, je viens de Saint-Brieuc, je travaille dans l'entreprise familiale qui s'appelle Je Quelle Publicité. Ouais. C'est une boîte qui fait de la signalétique et du mobilier urbain. D'accord, vas-y, fais ta pub. Et moi, je fais un peu de tout, quoi. Vu que c'est la boîte des parents, je suis. Autant commercial qu'à l'atelier, etc. D'accord. Quoi. D'accord. Très bien. Tu m'as envoyé une facture de 489 euros. Mais tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ma GoPro que j'ai perdue lors d'un solastique, que ma copine m'a gentiment offert. Attends, t'as perdu ta GoPro lors d'un saut à l'élastique? Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, si tu veux, j'ai accroché ça à une perche. Ouais, et la perche a pété pendant le saut, quoi. D'accord. Donc, tu vois, j'ai payé 25 euros pour filmer en plus avec ma GoPro. Et après, j'ai dû racheter la vidéo, bah, du solastique, parce qu'ils m'ont filmé, heureusement pour nous, et tu vois la GoPro tomber, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour le gars qui se balade en dessous du pont, qui a rien demandé à personne? Elle est tombée dans la flotte, sinon je l'aurais récupéré. D'accord, ok. Bon, bah écoute, bah, tu sais quoi, cette GoPro, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est combien, soit l'élastique? Combien ça coûte? Alors, c'est 150 euros. Oh, ah ouais, non, moi j'ai des potes de l'Est, ils peuvent te le faire pour 25 balles. Ils te font un double nœud, c'est des nœuds marins, mais ils t'aiment bien. On a un petit pont, voilà, faut pas qu'il y ait les flics. On saute entre deux voitures de flics. Ça se passe bien. Victor, je t'envoie ton chèque très très vite, je t'embrasse, mon pote. Ça marche, et puis je fais un petit bisou à ma Caro parce que sans elle, j'aurais jamais envoyé ma facture. Et ben, donc voilà. J'embrasse ta Caro qui devient un peu la nôtre par la même occasion. Bisous Victor. Ça marche, je vous remercie, salut. Ciao, ciao. Salut. Il y en a déjà qu'on fait du saut à élastique dans cette équipe, levez la main. Ah, il y a Luzman qui lève la main. Ouais. T'as fait du saut à élastique? Ouais, j'ai fait. Le sang est parti. Il n'y a plus de sang. Le sang est dans les pieds, hein, toujours. Hein. Oui. C'est ça le souci. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué, parce qu'on sort de l'été, tout le monde est un petit peu allé, un petit peu bronzé. Ouais. Le seul qui ne bronze pas dans cette équipe, c'est Luzman. Il est rose. Ouais, une crevette. Enfin, et en même temps, Luzman, il fait du saut à l'élastique, c'est l'occasion de sauter, hein, pour lui. Hein. C'est exactement la même blague pour nous. Merci. tu sais, je me fais plus chier à faire des blagues, tu les fais avant moi, du coup, je n'en trouve pas une nouvelle, je préfère me mettre derrière toi. Mais c'est bien de faire ça. C'est-à-dire que Elliot, il pourrait par exemple aller voir un spectacle de Kev Adams et en disant bah, écoute, je voulais faire exactement les mêmes vannes que lui. Ou alors aller voir un film avec genre Brad Pitt en disant bah, j'ai le même jeu d'acteur. Et peut-être que grâce à ça, tu deviendras une star. Peut-être que grâce à ça, tu pourrais rentrer dans la maison des secrets. Peut-être. Voilà. Moi, je fais ouais, il est doué. Ben bah, ouais, moi aussi. Bah, c'est ce que je voulais faire aussi. Et ben on t'embauche alors du coup. Vous écoutez Fun Radio dans quelques secondes. Vacher va changer le studio. Nous avons un défi pour Vacher. Le temps d'écouter Martin Solveig. C'est ce que j'ai dit. Do it right. Oui, c'est ce que j'ai dit encore. Do it right. C'est ce que j'ai dit. Do it right. C'est exactement. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est bien, c'est chiant. Martin Solveig. Et j'ai retrouvé un truc que je vais vous passer ce matin sur Fun Radio pour être dans un bon mood pour ceux qui partent bosser. Et d'ailleurs, on parle de gens qui partent travailler, mais je voudrais qu'on salue tous les auditeurs de Bruno dans la radio qui sont levés exprès pour nous ce matin. Ah, merci beaucoup. Vous me faites un kiff de rêve. Et il y a plein de messages qui arrivent en disant hey « Eh Bruno, vous êtes tellement en forme, est-ce que pour la première, vous ne seriez pas jusqu'à 10h ?» Me chauffez pas, les amis. Ne me chauffez pas. On peut le faire. Je suis tellement bouillant pour cette journée de rentrée que je peux faire n'importe quoi. Hashtag Bruno Fun Radio, vous êtes là, vous êtes sur Twitter, dans quelques secondes je vous ressors ça. LMFAO. Il va faire plaisir ou pas? Grave. Eh ben je vais vous le passer. D'ailleurs, on parlait du hashtag Bruno Fun Radio, toujours en top tweet France depuis 5h45. Et vous me faites plaisir, vraiment. Il y a des tonnes de messages qui arrivent. On vous aime fort, la famille. Il y a Nadine qui dit super top de retrouver toute la famille Bruno dans la radio. Vous m'avez manqué. Il y a Antoine qui dit quel déchirement de laisser sa fille à la crèche le matin. Heureusement que vous êtes là, la famille. Il y a Ludo Kemon qui dit ça fait tellement plaisir de vous entendre à nouveau. Il y a Vini qui a dit que c'était moche la rentrée. Pas moi, je trouve que c'est trop bien avec vous. Ouais, voilà, c'est trop mignon. Ça fait plaisir. Hashtag Bruno Fun Radio pour vos messages et poussez le bouchon là pour 10h. Moi, je peux partir dans ce délire, hein, vraiment. Je le dis ça, je dis rien. Allez, on a un petit cadeau ce matin. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio! Il a la classe! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. La fin de la saison dernière, nous avons lancé l'opération Bruno dans ton salon. C'est-à-dire qu'on s'est dit un jeudi, tiens, vous tweetez avec le hashtag Bruno dans ton salon, on choisit quelqu'un au hasard et on ira regarder le match de foot le lendemain chez lui. Vous vous souvenez de cette OP qu'on avait fait? Bien sûr. Ouais. On en refera cette année. Et quand on a regardé le match de foot, j'avais piqué une crise puisque la télé de l'auditeur chez qui on était n'arrêtait pas de tomber en panne. C'est-à-dire qu'en plein moment d'une action, boum, ça coupait et ça m'a rendu fou. Et en fait, comme on avait filmé cette soirée, on s'est aperçu après que Vacher avait téléchargé la télécommande Samsung du gars. Enfoiré. Il avait une appli, ouais. Ouais. Ça va, Vacher ? Ouais, ça va. Vacher dans le studio 2 de Fun. Bonjour. On est en live sur Facebook, si vous voulez. La page, c'est Bruno dans la radio. Alors, Vacher, écoute ce son. Oui, c'est un. C'est, comment ça s'appelle ? C'est le truc que je vais avoir en octobre. C'est prévu pour quand le bébé ? Le terme, ce serait le 14 octobre apparemment. 14 octobre. Qui va sortir de la de ma femme. Attention, j'ai failli dire une phrase qui allait être très mal polie. C'est très très classe. Et donc, on s'est dit, Vacher, vu que tu vas être papa, t'es dans le studio de Loving Fun, ça tombe bien. Le doc pourrait te donner des conseils. Vu que tu vas être papa, on a pour toi un petit défi. D'accord. D'accord. C'est un défi en rapport avec, avec les enfants. Nous allons te donner un bébé, un faux bébé, d'accord ? Ouais. Et tu vas avoir 30 secondes, montre en main, pour changer la couche. D'accord. Maintenant, tu vas te demander pourquoi on t'a mis dans l'autre studio. Mais en fait, c'est une mise en situation. Mais non, mais c'est pour qu'il soit tout seul face au bébé, Bruno. Il y a des trucs dans la couche. Non. Vous avez mis quoi dans la couche ? Si tu dois changer la couche, c'est qu'il y a des trucs dans la couche. Mais oui, mais c'est quoi ? Ah, ça va être un truc d'odeur dégueu ? Non, il y a des pattes, c'est des bêtes. On met quoi en général dans les couches ? Non, mais peut-être que vous avez mis des serpents parce que vous savez que j'ai peur. Mais bon, c'est dans une couche, c'est chaud. Attends, tu sais quoi ? Il n'y a pas d'animaux. Ah, cool ! Voilà, par contre, c'est chaud. Oh, mais vous avez trouvé ça où ? Dans une maison de retraite ? Est-ce que t'es prêt ? Ouais. Top chrono, t'as 30 secondes, donc ça veut dire que dès que t'as le bébé en main, 30 secondes, t'es prêt ? Alors attends, il est à côté, dis-moi. Attention, décris le bébé déjà, avant. Alors c'est un bébé qui a, je pense, la taille d'un vrai bébé. Ouais. Il a un petit body, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais. Et il y a la couche dessous. Dès que tu commences à enlever le body, on lance le chrono. Ok. Alors, vas-y, j'enlève. Top chrono, allez. C'est parti. Alors, c'est quoi ? 30 secondes, dépêche-toi. Alors, dégueulasse, c'est tout jaune. Oh. Alors, c'est la couleur du. Faut que tu ouvres la couleur. Qu'est-ce qu'il y a ? Vacher, qu'est-ce qui se passe ? Attends. Bruno, je suis dans le studio avec lui, ça pue, mais c'est un truc de malade. Vacher, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas. J'arrive pas! C'est dégueulasse! C'est la crosse de chien! C'est la crosse de chien! Ah, j'arrive pas à lui mettre! Il a jeté la couche par terre, Bruno! Il a jeté l'enfant par terre! Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a de la crasse de chien! Mais je déteste la merde! Vacher, il va falloir t'y mettre, hein! Ah oui, mais ça sera pas comme ça là, c'est tout sec! Là, c'est tout sec, ça pue! Ah. Oui, nous avons récupéré une vraie crotte de chien pour mettre dans la couche. Ça, je vais dire. Mais... Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai une petite anecdote. J'ai une petite anecdote par rapport à ça que je vais vous raconter dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Parce qu'on a galéré quand même pour trouver la matière première. C'est clair. À cause de mon chien d'ailleurs, vous allez comprendre. Pour nous remettre de nos émotions, c'est Bob Sinclair, c'est tout de suite. Et c'est où? Bah, sur Fun Radio.

ministre de l'Éducation nationale tiendra aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse, la dernière du quinquennat. Les 5 jours de canicule derrière nous, il a fait très chaud et des records de chaleur ont été battus pour cette période de l'été. À Auxerre, le thermomètre a dépassé les 35 degrés 4 jours de suite du jamais vu. On a eu plus de 36 à Nantes, un record de 1961, mais la canicule était moins longue et moins intense qu'en 2003. Le football, Paris enregistre sa première défaite de la saison lors de la 3e journée de Ligue 1. Le PSG a été battu hier soir par Monaco. 3 buts à 1 dans les autres matchs du dimanche, 0-0 entre Saint-Etienne et Toulouse, 1-0 pour Bordeaux contre Nantes. Et puis l'équipe de France joue un match amical jeudi contre l'Italie. Didier Deschamps doit composer avec plusieurs forfaits sur blessure, Fekir, Lacazette et Cabaye, remplacés par Gamero, Dembélé et Kondogbia. Bon réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio ! Bon réveil, hashtag Bruno Fun Radio. On est en top tweet France. Depuis 6h moins le quart, merci d'être là sur les réseaux sociaux. Le snap de l'émission. Snap Bruno Fun Radio, il y a le snap de Fun Radio également pour vivre l'émission en live. LMFAO qui arrive. Can dance, can dance in Sora, la can dance. Et Sib Bless, si on a le temps là, on vous passe ça avant 9h. Vous arrivez juste maintenant, vous avez loupé, on va appeler ça un petit défi. Petit défi qu'on a fait à Vacher. Vacher va être papa, là c'est prévu pour le mois d'octobre. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Un nouvel enfant dans les familles, Bruno dans la radio. Oui. Ça part mal. Ça part mal, mais en fait j'ai un problème avec voilà avec ce que font les bébés. Ouais, le caca. Voilà, et je sais pas comment je vais faire. Et là, on a essayé. C'est un test, ouais, c'est un bon ouais. Test. Test avec un poupon, avec une couche, et c'est vrai que pour être vraiment plus près de la réalité, on avait mis du vrai caca dedans. De chien. Alors, qui et a Vacher... été chercher le caca ? Attends, déjà, réécoutez Vacher. Surtout la couche. Qu'est-ce qu'il y a ? Vacher, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas. Ah, il était vraiment pas bien. Il y a Quentin avec le hashtag Bruno Fun Radio qui te traite de petite nature, Vacher. Non, alors là, je. Tu vas pas pouvoir faire ça devant ton bébé. Je pourrais jamais dire le contraire. C'est vrai, j'ai peur des bestioles, j'aime pas les odeurs, je peux vomir si je pense à un truc dégueulasse. Et alors ? Je suis désolé, je suis comme ça. Pour la première fois. C'est un gros toto, là. Je voudrais saluer mon chien. Voilà, il n'y a pas de raison, je vais faire de la radio pour mon chien en l'espace de quelques secondes. Mon chien qui s'appelle Gaston. D'accord ? Oui. Mon chien qui, donc, Gaston qui a la Labrador noir, qui va sur ses 1 an et demi, d'accord ? Il fait toujours autant de conneries ? Il fait toujours autant de conneries puisqu'il n'est pas encore complètement propre. C'est-à-dire que quasiment tous les matins, il cague dans la maison. Je me lève le matin, il a cagué, d'accord ? Et donc, hier, quand on a fini la préparation de cette émission, Christina m'avait envoyé un texto en me disant « Pense à récupérer un caca de ton chien pour le défi de ce matin ». Vous le croyez ou pas ? Donc hier soir, je suis allé le promener en me disant « Quand je vais le promener, il cague, il a pas cagué ». J'ai fouillé tout le jardin, impossibilité de trouver une crotte de chien. Ce matin, je l'ai fait sortir, je me suis levé plus tôt en disant il va caguer un truc, parce qu'il n'avait pas fait dans la maison. Pour une fois, tu vois que j'ai compté sur lui, il n'est pas cagué dans la maison, je vois dehors, pas de cague de chien. T'es le seul chien constipé de France. Non, j'ai le seul chien qui veut vraiment me faire chier. Je suis sûr que j'ai mon chien qui écoute Skyrock. C'est ça, et donc c'est Meryl ce matin, je voudrais saluer Meryl qui, avant le début de l'émission, a fait le tour du quartier pour trouver... une crotte de chien fraîche, merci Meryl. Oh la pauvre, merci ma bichette. Ah bah, je vous en prie. Ouais. Si ça c'est pas de l'amour, ça y ressemble. C'est clair. Elle est 8h38, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Jeu des 30 secondes pour jouer avec nous ce matin. Il y a Sarah, Léa Surville dans le 27. Applaudissements pour Sarah. Bonjour Sarah, dans l'heure, bienvenue sur Fun Radio. Ouais, bah merci, ça fait plaisir de vous entendre en tout cas. Et ben ça fait plaisir de t'avoir. Tu joues ce matin face à Julien. Julien, il a 26 ans, il habite à hier. Applaudissements pour Juju. Salut Bruno, salut tout le monde. Salut Julien. Ça fait plaisir aussi, hein, après 2 mois d'abstinence. C'est clair. Mais, enfin, c'est que de la radio les amis, vous chauffez pas. Sarah, Julien, je vous rappelle le principe du jeu des 30 secondes. Vous allez vous affronter. Chacun d'entre vous va choisir un membre de l'équipe qui va devoir vous faire deviner un maximum de mots en 30 secondes. Celui qui aura deviné le plus de mots gagnera la partie. Et je rappelle que celui que vous allez choisir n'a pas le droit de passer. D'accord ? Ok. Mais nous avons décidé de mettre en place ce matin une nouvelle règle. Et c'est là que Vacher intervient. Le Vacher, vous savez, il s'est mis en colère souvent l'année dernière quand il perdait, etc. en disant « je ne reviens pas, machin ». À partir d'aujourd'hui, le gagnant du jeu des 30 secondes, c'est-à-dire celui de l'équipe qui gagne le jeu des 30 secondes, revient automatiquement le lendemain. C'est-à-dire qu'il est challenger. Okay. Et voilà. Et ça veut dire que si tu regagnes le lendemain, tu peux revenir le surlendemain. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, par exemple, tu gagnes 10 fois. Bah, pendant 10 fois, il y a un auditeur qui sera obligé de te choisir. Waouh! Super. Bon, ça va être dur à faire quand même. On va plus jamais jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Avec Elliot, on va poser des RTT là. On va avoir du temps. Sarah, la question que je te pose, c'est avec qui tu veux jouer? Avec Elliot. D'accord. Ah, merci beaucoup. Alors, Elliot, si tu gagnes ce matin, ouais, tu pourras jouer demain, d'accord? Ok. Sauf si tu joues contre quelqu'un de plus fort que toi, peut-être, on ne sait pas. On va voir. Julien, qui tu choisis? Bruno. D'accord. Donc peut-être que tu ne peux ne pas jouer demain. Voilà, voilà. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis en forme. Je peux vous dire que là, moi, je suis bouillasse. Moi, j'étais dans le studio, j'ai répété pendant 2 mois, j'étais ici, je faisais du jeu des 30 secondes. Elliot ne connaît pas la liste de mots à faire deviner. Sarah, il va commencer avec toi, d'accord? Ok. Au top chrono, il a donc 30 secondes pour te faire deviner un maximum de mots. À toi de faire un très bon score. Il n'a pas le droit de passer. Sarah, est-ce que tu es prête? Ouais, voilà. Bah oui. Elliot, est-ce que tu es prêt? J'ai plus l'habitude, on peut pas en faire une pour de la faute. Non, non. Elliot, attention, top chrono, c'est parti. Alors là, nous, on était pendant 2 mois, on était en... Vacances. Ouais, c'est une couleur, il y a le noir et le... Blanc. La couleur du sang, pardon. Rouge. Ouais, voilà. C'était cet été, tu peux gagner des médailles d'or, de bronze. Jeux olympiques. Ok, c'est un synonyme pour dire bonjour. Salut. Non, c'est une émission des années 80, c'était Nanin, c'est nous. C'est un truc, une horloge qui sort avec un oiseau. C'est l'oiseau, c'est un... Coucou. Ouais, quand il fait chaud, stop. L'été, c'est là, avec les vieux... Canicule. Ah, trop tard. La canicule, est-ce qu'on l'accepte? Ouais, parce que Bruno, t'as un peu parlé aussi. Donc du coup... Rien à voir, on ne l'accepte pas. C'est après le gong, ça fait 4 points. Karina reste la juge du jeu des 30 secondes. Julien, faut faire mieux que 4. On joue pour un récit à l'air 2. On va tout donner. Est-ce que t'es prêt? Ouais, top chrono, c'est parti. Alors, c'est une émission, l'amour est dans le... Prêt. Très bien. C'est le contraire de liquide, c'est... Solide. Voilà. Un avion, quand il fait une boucle, il fait un... Un tour, un vol. Ouais, non, c'est un nom anglais. Un looping. Ouais, très bien. C'est un pays du Maghreb, c'est pas l'Algérie, c'est le... Tunisie, Maroc. Maroc, très bien. Quand on prend quelque chose et qu'on le pose sur la table, on le... Dépose. Ouais, non, mais la personne, on la prend, on l'a parce qu'elle est lourde, on la soulève. Yeah, il l'a dit après le gong. Et puis c'était le verbe, c'était soulever. Ouais. Match nul. Égalité, 4 points partout, les garçons. Sarah. Ça va être chaud. Julien. T'as vu comment je suis heureux pour un match nul? C'est comme une victoire pour moi. Alors là, s'il y a un match nul, sachez que si Julien gagne, c'est moi qui rejouerai demain. Parce que c'est mon candidat. Ah bon? Ouais. Et si Sarah gagne, c'est Elliot qui rejouera demain parce que d'accord, c'est sa candidate. D'accord. Voilà. Ah ben oui, c'est la règle du jeu des 30 secondes. D'accord. Nous allons vous départager avec un mot, Sarah et Julien. Le plus rapide de vous deux à donner ce mot repart avec un iPad R2. D'accord? Ok. On va le faire dans quelques secondes. Oh là. Oui, je tiens le suspense. Puisque LMFAO arrive sur Fun Radio. Partie rock anthem, ça va faire plaisir. Il y a du JPI également qui s'annonce. Il y a le top 3 d'Eliott qui va revenir. Bref, si vous arrivez maintenant, Bruno dans la radio, c'est loin d'être fini. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. Salut, c'est DJ Snake. Fun. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Kiabi colore la vie. Avant Kiabi, Abby et ses enfants sans se ruiner pour la rentrée, c'était...

un coffret DVD. Très bien. Pour vous départager, c'est Christina qui va tenter de vous faire deviner un mot. Celui de vous deux qui aura le plus rapidement trouvé le mot repart avec ce cadeau. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Et je rappelle que Sarah, tu joues avec Elliot. Oui. Julien, tu joues avec moi. Celui de vous deux qui gagne fait que Elliot ou moi seront challengers demain. Ok. Christina, allez Sarah, c'est parti. Alors, c'est un arbre qu'on trouve surtout dans les régions où il fait chaud. Souvent, on dit qu'un paysage de rêve, en général, c'est l'eau claire et les... Les palmiers. Ouais, exactement. Bravo. Sarah, c'est gagné. Bravo, super. Oh, Julien a peint, mais merde. Ah, je croyais qu'on était dans les Landes, moi. Eh ben non, on était à Hawaï, mec. Julien, bon, je t'embrasse. Ça marche, bisous la famille. Sarah, salut. Tu repars avec un iPad Air 2 plus le coffret DVD. Ouais, et on t'envoie ça très très vite du côté de Surville. On t'embrasse. Merci beaucoup, salut. Ciao, bisous. Ciao. C'est moi le champion. Ça veut dire que demain, Elliot rejoue. Exactement. Et s'il regagne demain, il rejoue après-demain. Il peut jouer toute l'année, peut-être. te chauffe pas, va. Attends, mais j'ai une question. Est-ce que celui qui a joué la veille, du coup, peut quand même rejouer le lendemain? Ah bah après, c'est les auditeurs qui décident. Ah, donc ça peut être genre Elliot Bruno toute l'année. Et nous, avec Christina, on se fout dans le cul, par exemple. Exactement. Ok, sympa. Ça serait drôle. Ça peut être un délire. C'est les auditeurs qui choisissent. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pas nous. Voilà, nous, on ne peut pas donner notre avis. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ouais, bah moi, j'ai l'avis d'écouter les MFAO tout de suite sur Fun Radio. C'est parti. In the club, party ride, looking for your girl, she on my jock, huh? Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know, tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, domino, gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. That. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just want to see you shaking up. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down. Put your hands up. Yeah. Vous êtes en train de vous chauffer là sur Twitter, les amis, vous faites plaisir. Putain, il y a même des gens qui ont fait des visuels. Alex Long qui a posté un visuel avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h. Vous êtes parti dans un délire là depuis 8h ce matin. J'ai lu un tweet de quelqu'un qui disait pourquoi vous continueriez pas, et là du coup il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'essayer de tweeter et de mettre en top tweet le hashtag Bruno jusqu'à 10h. Il y a Florian qui dit voilà, hashtag Bruno jusqu'à 10h, juste pour le kiff de les attendre une heure de plus. Il y a Tommy qui dit voilà, hashtag Bruno jusqu'à 10h, ce serait top, non. Hugues qui dit rejouer au jeu des 30 secondes jusqu'à 10h, hashtag Bruno jusqu'à 10h. Il y a Tommy, pareil, hashtag Bruno jusqu'à 10h. Il y a Cyril, un fidèle de l'émission, qui met le hashtag Bruno jusqu'à 10h et qui a utilisé une photo de Full Metal Jacket. Qui fait peur d'ailleurs, un peu dans l'angoisse. Il y a Maxime qui met... Vous savez quoi ? L'auditeur de Fun Radio est roi, d'accord ? Musique d'auditeur roi de Fun Radio. L'auditeur, quand il arrive ici, on le flatte, on dit « Oh, mais que vous êtes beau, auditeur de Fun Radio !» Il dit « Oui, hop, il s'assoit, il est chez lui. » L'auditrice de Fun Radio est la reine. On lui dit « Tenez, chère reine, nous avons préparé votre coiffure, merci, monsieur. » Si vous arrivez, il est 8h55. Normalement, c'est pas possible parce que ça prend trop de temps pour être en top tweet France. Mais si vous arrivez d'ici, il est quoi, 8h55, d'ici 9h05, à m'envoyer en top tweet France le hashtag Bruno jusqu'à 10h, on pousse jusqu'à 10h. Mais Bruno, je me mouille pas trop, normalement, c'est pas possible. Oui. T'as de quoi payer vaché ? Ah ouais, on poussera jusqu'à 10h sans vacher. Non, je serai là, mais je fais des petites interventions, quoi. Je sais pas. Hashtag Bruno jusqu'à 10h, vous savez quoi, c'est le premier jour, c'est la rentrée, on est en pleine forme, moi je suis capable, on a de quoi faire. En plus, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Elliot dans Fort Boyard, y a les vacances d'Elliot, il faut qu'on ait. On a tout un tas de trucs. Est-ce qu'il y aurait du JPI en plus ou pas ? Oui. On va s'arranger, écoute. Bon, et ben, hashtag Bruno jusqu'à 10h. Et rassurez-vous, la Belgique, si c'est le cas, on vous préviendra pour que vous restiez avec nous jusqu'à 10h aussi. Arrêtez de vous speeder là-bas, tout va bien les gars, on est en gestion du délire. Tiens, alors 8h56, c'est l'heure du JPI. Journal pas en image, c'est le journal de l'émission, mais il est faux. Et c'est tout de suite la troisième et dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Sabine qui, rappele-le, sont soit secrétaire de direction, soit caissière. Et pour commencer, polémique, plusieurs maires ont interdit le burkini sur les plages de leur ville. Il va en chier pour ses prochaines vacances, Batman. Football, les joueurs de l'équipe de France sont de retour aujourd'hui à Clairefontaine pour préparer le match amical contre l'Italie jeudi soir. Et rappelons que pour affronter les Italiens, le mieux reste encore de s'entraîner à la comédie plutôt qu'au coup franc. Alors que le jeu Pokémon Go a cartonné cet été, à 3 jours de la rentrée scolaire, les directeurs d'école cherchent des moyens pour empêcher que les élèves jouent au sein des établissements. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oh, celui-là, je vais le capturer. Hein. Il m'échappera pas, tu vas voir, toi. Ah, vous êtes sur le point de capturer un Pokémon, Anthony. Non, un enfant. Après les vacances, j'ai plus de thunes, alors je vais kidnapper un enfant et demander une rançon à ses parents. Ouais, on regrette déjà que vous soyez rentré de vacances, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les destinations balnéaires et les chanteurs français, découvrez la grande fleur en motte. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain ou à tout à l'heure, on ne sait pas. On verra. Oh là là. On sait pas, on est dessus, on est en train de voir. Hashtag Bruno jusqu'à 10h. Normalement, c'est impossible d'amener en top tweet France en moins de 10 minutes. À cette heure-là, il y a déjà les États-Unis qui sont sur le coup, etc. Donc, on récupère des hashtags. C'est compliqué, mais pourquoi pas? Alors, c'est impossible, mais honnêtement, vu le nombre de tweets qui sort là par seconde, vous êtes des malades. Donc, déjà, j'en profite pour saluer Ruth, Cindy, ou encore Lard des Chaux, ou Chouchoune, ou Tony encore. Déjà, le hashtag Bruno Fun Radio est en top tweet France depuis 6h du matin. Et moi, déjà, ça suffit à mon bonheur. Bon. On reste là pour l'instant, donc puisque quoi qu'il arrive, on est là au moins jusqu'à 9h15. Donc on a le son de Fun Radio, il y a Cachemire qui va arriver dans quelques secondes. D'ailleurs, vous savez quoi ? Si jamais on reste ici jusqu'à 10h du matin, on vous remettra la parodie de Nicole Pervers. Si vous l'avez raté ce matin, Nicole Pervers est revenu. Sauf que lui, il ne sente pas. Je suis en feu, il chante. Je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Et on peut la mettre avant 10h. Voilà, si on pousse l'émission, on peut le faire. Le top 3 d'Eliott arrive dans quelques secondes.

Vous allez vivre une expérience. Une expérience générationnelle. Par la seule magie des ondes radio, en l'espace de quelques secondes, vous allez être connecté, lié, avec des millions de personnes près de vous. En France, en Belgique et dans le monde entier, vous allez découvrir une famille. Vous allez faire partie de cette famille. Une famille de cœur, une famille de couleurs, sur laquelle vous pourrez toujours compter. Vous allez créer aujourd'hui vos meilleurs souvenirs de demain. Vous vous sentiez seul en vous levant le matin ? Désormais, vous ne l'êtes plus. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Une famille faite d'amour, de déconne, d'émotion. Et de prout aussi. Eh oui, car après tout, on est entre nous. Fun Radio. Lundi, c'est le 29 août, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h05. Bonjour! Bonjour! Oh là là. Et j'espère que vous serez en forme comme ça tous les jours, toute cette année, jusqu'à la fin du mois de juin, les amis. Parce que là, vous donnez tout le premier jour, c'est que le 29 août. La vraie rentrée, ça va être dans 3 jours, pour ceux qui vont reprendre le chemin du collège, du lycée, etc. Donc j'espère que vous aurez autant la niaque. Mais l'émission d'aujourd'hui était bien, alors on peut peut-être la rediffuser mercredi. Mais on la rediffuse tous les jours jusqu'à la fin du mois de juin. C'est une bonne idée, ça. C'est un bon délire. Merci, Idiot. N'hésitez pas. Merci pour ce genre d'idée. Bah écoute, on reviendra vers toi, le cas échéant. Pas de soucis. Comment ça va, Vaché? Ça va bien, merci. Bonjour. Est-ce que Vaché sera dans le top 3 avec son changement de couche de tout à l'heure? Non, absolument pas, Bruno. Ah, d'accord. Bah non, mais c'était il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, c'était à 8h15. Les gens de 8h15 sont encore là, en tout cas, j'espère. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Et donc, il y a ce petit truc qu'on a lancé, là, voilà. Enfin, qu'on a lancé. Non, je vais être très honnête, c'est vous, auditeurs de Fun Radio, qui avez balancé ça tout à l'heure vers 8h30 sur les réseaux sociaux. C'est parti d'un délire, le délire de peut-être, si on avait envie, continuer jusqu'à 10h du matin. Vu que c'est la première, j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup manqué. Ça fait plaisir. Il y a plein de messages super gentils qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio. Alors, moi, vu qu'il y a des auditeurs qui ont essayé de lancer le hashtag Bruno jusqu'à 10h, moi, je suis comme ça, vous savez, moi, on me demande quelque chose. L'auditeur ici, il est roi. Donc, j'ai dit oui, mais ça dépend quand même de vous avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h. J'ai dit que ça va être compliqué. On l'a lancé à 9h05. En 10 minutes, rentrer un hashtag en TT, c'est compliqué. Et Nicolas, qui est une nouvelle fois avec nous dans cette équipe au web, va nous expliquer de façon technique comment ça se passe pour rentrer en TT, comment ça se passe pour rester en Top Tweet France, en liaison donc avec nous, le web et Nicolas. Alors Nicolas, oui, pourquoi c'est compliqué de rentrer en TT si vite à 9h05? Eh bien parce que à 9h05, il y a tous les mornings de France et toutes les radios. Ouais. Il y a aussi les États-Unis, parce que c'est la soirée. Ouais. Et puis voilà. Non, mais ça, les autres mornings de France, on est devant. On est devant tous les matins, mais... ouais, avec le hashtag Bruno Fun Radio. Mais il y a beaucoup de tweets et... Ah oui, les gens se réveillent. Et surtout plus ils se réveillent. Ah, et d'accord. Surtout, ils sont en voiture et on peut pas tweeter quand on est en voiture. Très bien. Alors moi, parce que tweeter en voiture, c'est pas très bien. Moi, je dirais qu'il dit de la merde. Excusez-moi, Monsieur Vaché. Bonjour. Bonjour. Parce que moi, je trouve qu'au contraire, les gens sont pas en voiture ou alors ils tweetent en voiture parce que je sais pas si vous avez regardé, mais il y a genre en moyenne, je vais dire 5 tweets par seconde. Ouais. Avec le. On a passé. On est en train de les compter. On est à plus de 4000 tweets. Moi, je me demande si c'est pas Twitter qui fait une mise à jour des top tweets un peu trop tard. Tu vois. Oui, non, mais c'est un peu tard. Mais on est en fait là, on est 12e. D'accord. Là, on est quoi? On est 12e, on vient de rentrer. Alors, ah oui, moi, a priori, mais ça va monter, ça monte, enfin, sur un autre compte, moi j'ai vu que ça montait. Nicolas, t'en es où avec ton problème d'alcool? Moi, ça va monter. Je ne comprends pas ce ça va que monter. Tu dis. Bah, un peu comme Christina, j'ai bu beaucoup d'alcool pendant les vacances. Sauf que Christina a dit ce matin qu'elle a arrêté pendant le travail. Ah, faut arrêter. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que là, le truc gênant, c'est que ça s'entend, hein, vraiment. Ah, d'accord. Si je peux me permettre de vous déranger, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que quand on dit il fait 32 degrés, c'est dans le sang hein, de Nicolas. Il y a Cachemire qui va arriver. Kungs. Ou encore le nouveau Major Lazer. Cold Water. Ça C'est avec Justin Bieber celui-là ? Ouais, c'est avec Justin Bieber. Ouais. Il est vraiment en vogue lui. Ouais, il est très bien. Vraiment. Bon, hashtag Bruno jusqu'à 10h. Voilà, s'il rentre dans le top 10 TT France pour l'instant, on est premier avec le hashtag Bruno Fun Radio. Vous me faites rentrer l'autre et on pousse jusqu'à 10h. C'est donnant-donnant. Pour l'instant, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission de ce matin, c'est le oui. top 3 d'Eliott. Ça continue le top 3 d'Eliott parce qu'on aime bien. Je voulais vous remercier de ne pas avoir arrêté cette chronique, parce que j'aurais plus grand chose à foutre du coup. Mais ça fait plaisir. Ça m'aurait un peu arrangé, mais. Eh, Eliott. Oui, Bruno. Eliott, quand même. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire. 10 ans. Ah oui, oui, c'est vrai, on en discutait ce matin. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec Bruno. Vous vous rendez compte? C'est beau. On a quel âge? 26. Ouais. On attaque la 10e année. Il a commencé à 16 ans avec moi. Et comment tu vis, Bruno? Et bah, tu sais. Et Bruno, qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans avec un petit gamin de 16 ans dans les studios radio en lui disant tu veux faire de la radio toi? Ouais. Non. Il va falloir passer quelques épreuves. Non, ça dépasse ça. Il est venu en stagiaire dans vos émissions et j'avais fait un pari. J'avais dit si t'as ton baccalauréat, je t'embaucherai. D'accord. Et ce con, il a eu son bac. Alors que quand il est venu me rejoindre, à l'époque, il avait 5 de moyenne. Franchement, personne n'y croyait. Tu remontes pas, tu vois, c'est un miracle. Depuis, je vais à Lourdes. Moi, tous les étés, je vais à Lourdes maintenant. Grâce à ça, vraiment. Bon, allez, les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott. Numéro 3. Numéro 3. Ah, ce matin, c'était le grand retour de Nicolas le Pervers. Nicolas le Pervers, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. À peu près 2 ans, parce qu'il est arrivé plein d'embrouilles. Il nous a raconté tout ça ce matin. Et franchement, il est toujours aussi bon. Réécoutez. Oh, tu m'avais manqué, mon Bruno. Vous m'aviez manqué, l'équipe. Il faut dire que voilà, pour les gens qui se posaient la question, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Nicolas le Pervers. Bah, il y a eu la prison. Hein, il y a eu la ça fait prison. 2 ans, il y a eu la prison. Et puis bon, j'ai quand même changé. J'ai attaqué une nouvelle vie. Oui, alors disons qu'après le succès de Montre-moi tes nénés il y a quelques années, oui. Eh ben, je suis sorti avec une meuf. Oh. Marion Cotillard. Disons ah qu'en bon fait, ouais, chez où elle habite, parce que je m'étais renseigné sur les réseaux sociaux et du coup j'attendais à mal chez elle. Et ouais, pendant une semaine, du coup, quand elle sortait de chez elle, je marchais derrière elle. Et puis elle courait, je courais aussi en fait. Et après, quand j'étais en garde à vue, je pense qu'il y a un policier, il m'a dit tu lui manques. Donc je pense, ouais, on a une belle histoire quoi. D'accord, merci. Bon, j'ai plus le droit de m'approcher d'elle à moins de 14 km parce que je pense qu'elle a encore des sentiments et elle veut pas que ce soit ambigu entre nous quoi. D'accord, et elle m'a dit pose ton couteau, ben voilà quoi, j'ai Nicolas. Compris qu'elle me larguait quoi. Calme-toi, Nicolas. Moi j'aime bien Nicolas le Pervers. Moi je l'adore aussi. Il nous a rejoint ce matin. Il y a d'autres personnages qui vont nous rejoindre toute cette année. Voilà. Je tiens à vous dire qu'il y a une galerie de portraits qui va arriver dans Bruno dans la radio. Oui. De gens que vous ne connaissez pas. Il y a ceux que vous connaissez. Bon, on a eu Nico ce matin. On a eu Teddy, notre fermier dans le Kentucky. Américain, bien sûr, qui est venu. Ouais. Qui est passé vite fait, qui a passé une tête. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Je préfère vous prévenir. Numéro 2. Il y en a un qui est venu aussi ce matin. Eliott, les cheveux gras. C'est vrai. Ouais. Vous voyez pas, il est là. Mais lui, il va venir tous les jours. Et Vacher le chauve. Lui, il est là depuis 5 ans. Il nous fait chier. Ouais, il y a Christina la grande gueule. Et en tout cas, c'est sous le signe de la bonne entente que nous attaquons cette nouvelle saison. Eliott, numéro 2. Ouais, j'étais obligé de la mettre parce qu'on a innové dans la chanson du jour. C'était la première fois qu'on faisait ça et forcé de constater que ça a marché. C'était bien cool. C'était Cédric qui voulait appeler sa femme Audrey. Et le truc en plus, en fait, c'est que Cédric, on l'appelait par Skype parce qu'il était militaire, il était au Moyen-Orient. Ouais, il est en mission au Moyen-Orient. Alors, on pouvait pas dire exactement l'endroit, mais ça pète. Exactement. Ouais, c'est l'endroit où tu pars pas en vacances. Il y a 2-3 ouais. endroits. Bah, celui-ci, tu sais que tu y vas pas. Il y a pas de station balnéaire. Quoi, non. Ou alors, il y en a eu, mais elle n'existe plus. Il y a 2-3 cailloux et donc voilà, on a lancé une pensée aux militaires ce matin et puis du Exactement. Coup on lui a fait son message en direct. Et oui, vous voulez appeler sa femme Audrey pour leur souhaiter un bon anniversaire de mariage parce que voilà, ça fait 7 ans qu'ils étaient mariés, ils se voient pas souvent et en plus ce qui était mignon c'est qu'ils peuvent pas s'appeler souvent au téléphone donc avec les progrès techniques Bruno de la science, nous avons réussi à les mettre en contact, c'était juste après la chanson et c'était magnifique. Ça fait longtemps que tu l'as pas eu au téléphone ton chéri? Au téléphone, enfin on s'appelle au téléphone en fait, on se parle sur Skype. Bah oui, ça fait combien de temps la dernière fois, c'était quoi? Ce week-end. Ce week-end. Et c'était un Skype normal ou un sexy Skype, comme on les appelle? Quoi? Audrey? Oui. T'es en direct avec Cédric. Cédric, salut mon père. À toi de jouer. Salut mon père. Voilà, je souhaitais te faire cette surprise pour notre anniversaire de mariage. Sache que tu me manques et que t'es tout pour moi et merci d'être présent dans ma vie. Voilà. J'ai hâte de te retrouver, toi et les enfants, et je te dis tout le bonheur que j'ai avec d'être avec toi. Voilà. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bravo. Ah, Ça commence la saison de la chialade. On avait tous chialé, Bruno. Et t'as pas lancé ta fameuse alerte Rimmel là que tu lançais l'année dernière. Mais non, je sais. Il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit merde, t'as pas prévenu. Ouais, mais je sais. Mais je suis désolé, voilà. C'était la première chanson du jour de la saison. Et ouais, ça m'avait manqué ce rendez-vous, la chanson du jour. Voilà. Ça fait du bien. Mais numéro 1. Numéro 1. Il y a un autre truc, moi, qui m'a manqué quand même, à part vous. Oui, parce que je vous le dis, vous m'avez manqué pendant les vacances. Merci. Alors, justement, si on reste jusqu'à 10h, on va débriefer les vacances d'Eliott, parce que ça, on a oublié, d'accord, ce matin. Parce qu'il faut savoir que Eliott, donc, je pense, est le gars qui gagne du blé dans cette équipe. Mais non, il y a des astuces. Non, t'as gagné au loto, c'est pas possible. Mais non, les gars, tu peux nous le dire. À l'heure où moi, je me suis barré en Charente-Maritime chez papa et maman pour faire des économies, tout le monde est resté à peu près en France. Le gars est parti en Asie, aux États-Unis. Ouais. Il y a eu un autre pays en Europe, t'as fait un truc, non? C'est tout, non, en France. Si, après, il a fait une tournée à l'EMF et tout, t'es là, sauf en 4 jours. J'ai donc beaucoup voyagé. En gros, je peux faire ça vite fait, quoi. Il y a eu Hong Kong, le Vietnam, les États-Unis, Las Vegas, Los Angeles et New York. Mais t'es sérieux? Mais il y a des astuces. Les gars, je suis parti une semaine en Charente-Maritime. À la fin de la semaine, je vous jure que c'est vrai, vous avez vu, j'ai investi dans un petit pochon. Oui, mon père a ça, Bruno. Voilà. Et donc, j'étais comme ça en train de chercher mes pièces. Mon fils qui me demandait une glace. Les temps étaient un peu durs. Bah, budget vacances, un peu sérieux. Elliot, tous les jours sur Twitter, je regardais avec DJ Snake à Las Vegas, ma meuf à Patong. Mais c'était pour me mettre à votre niveau, du coup, le budget est dur maintenant. Mec, c'est-à-dire que t'es parti à un niveau très loin. Bref. On pourra parler des vacances d'Eliott juste avant 10h, si vous nous poussez jusqu'à 10h. On va faire un point sur le hashtag Bruno jusqu'à 10h dans quelques secondes. Numéro 1 du top 3 d'Eliott. Parce que ce que je disais, Bruno, je crois qu'il y a un truc qui m'a manqué énormément, à part faire de la radio, c'est faire des accents à la radio. Et je crois que ça vous a manqué aussi, nous nous sommes lâchés, et celui qui nous a permis de nous lâcher, c'est un nouvel artiste qu'on passe sur Fun Radio qui s'appelle Ken Jones, vous allez comprendre, écoutez. Eh bien ça, c'est quoi? Je crois que ça vient de ton pays, Eliott. Ah mais merci Vacher, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet accent. Là, ce que j'aime bien, c'est que Bruno, il me regarde avec un air de « ça m'avait pas manqué ». Mais je suis pas sûr, il a dit « konnichiwa ». Dans la chanson. Oui, Ah, attention, alors c'est pas la même chose. Oui, il s'appelle Kent Jones. Attendez, parce que c'est peut-être un antillais chinois. Et essayez de faire cet accent. Ah oui, c'est sûr, bienvenue. On va zouker. Il s'appelle Kent Jones, peut-être que c'est un des fils de Diana Jones qu'il a eu quand il est parti en Asie. Non, tu ne peux pas. Non, parce que c'est pas possible, il n'y a que non, pipa. Bon. Et c'est ce lundi 29 août que nous devons prendre des décisions pour cette nouvelle saison. Et moi, cette saison, j'ai envie que nous soyons encore plus proches des auditeurs. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a été proches. C'est vrai, on a essayé de faire en sorte de répondre à tous les messages, etc. Mais un petit peu comme dans un couple, j'ai envie qu'on passe aux choses sérieuses. L'auditeur de Fun Radio, on l'a invité sur Fun Radio. Il est arrivé comme on arrive dans une boîte de nuit. Il ne connaissait personne. Il nous suivait d'une autre radio, il s'est assis ici et on l'a accueilli en se disant « Bon, ben voilà, tu vas voir comment ça se passe. » Il a commencé à apprécier, il a bu un verre, deux verres, l'auditeur de Fun Radio. Et puis, c'est la nouvelle saison, c'est un petit peu ce moment love où l'auditeur de Fun Radio se lève et nous embrasse. Et nous allons conclure avec toi, auditeur de Fun Radio. Tu avais décidé de continuer cette émission jusqu'à 10h ce matin. Petit point sur le tweet avec notre ami Nicolas du web. Nicolas pose ce verre de pastis. Oui. Est-ce qu'on est rentré en top 8 France, oui ou non? Oui, on est sixième. Et nous sommes sixième alors que nous avons lancé l'opération à 9h-5. C'est ça. 9h17 les amis, je déclare que cette émission va continuer jusqu'à 10h. Yeah. Et elle va continuer jusqu'à 10h également en Belgique. Pour nos amis belges qui nous écoutent ce matin, voilà, c'est aussi pour vous. Nous sommes là, l'émission continue, ça fait plaisir, avec Cashmere, tout de suite, Wildcard. Wanna take a spin, wanna take a roll, you know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make it trouble spot. Might take your diamonds, but I steal your